forcément d'accord avec toi. Ah, moi, je comprends. Si, c'est plus fin quand même. Ah bon hein. T'as pas de sous-boc? J'ai pas de blague, je les oublie. Il a pas de sous-boc? Bah, si, je lui ai fait un sous-boc Jack. Attends. Tiens, sinon. Ah, ouais, vous avez un bout de polystyrène. Bon, bah, on y va? Oui. On est parti? C'est parti. Très bien. Bonsoir. Eh bien, nous voici dans l'épisode 11 de la saison 2 de Road to Hellfest. Mais qu'est-ce donc? C'est un podcast sur l'actualité du Hellfest. On trinque? Eh, hey, c'est parti. Hey. Mais du coup, il y a du monde ce soir. Oh, mais oui, il y a du monde. Serait-ce le retour au bercail de l'enfant égaré? Il l'avait dit. Hein, il l'avait dit, I'll be back. Voilà, il est de retour avec nous et ça nous fait extrêmement plaisir pour ce dernier épisode de l'année. C'est le retour de Joe. Bravo, Joe. Merci. Merci d'avoir enfin daigné nous rejoindre après nous avoir si lâchement quittés. C'est clair. Donc, au nom de toute l'équipe de Road to Hellfest, je te fais un geste de sympathie. Tu nous as manqué. Ton vide a été très très dur à combler. On a été obligé de parler. Ouais, déjà. Et puis de boire pour oublier. Beaucoup. On a beaucoup meublé. On a même fait venir des gens qu'on n'aimait pas spécialement. Oui. On ne citera personne, Génome, mais. Voilà. En tout cas, c'est le dernier épisode de cette année 2017. C'est le 11e épisode de cette saison 2. Mais moi, je compte y revenir, moi. De cette année. De cette année, parce qu'on est obligé de faire une pause pendant les vacances. Et ça a été. Et oui, on va vous manquer. Voilà, et vous inquiétez pas, on va plus nous manquer à nous-mêmes que. Moi, je me manque déjà. Hein. Ah, bref. Je ne sais plus. Bah, c'est pas grave, on va y arriver. Donc, pour ce dernier épisode, on a préparé énormément de choses, mais comme on n'a pas bossé, on n'a pas grand-chose au final. Non. Mais c'est pas grave, vu que c'est Joe qui va meubler à notre place. Et Zach Non, pas Zach. Bon, on l'a toujours pas trouvé, d'ailleurs. D'ailleurs, toujours pas. Mais on ne désespère pas. Peut-être que le jour où nous retournerons au Hellfest, car c'est vrai qu'on n'a pas dit si on y allait ou pas. Je ne sais pas encore. C'est 2018. Honnêtement, j'hésite. En tout cas, j'y vais pas, moi, c'est sûr. D'accord. Commence pas à être comme ça. Il est désagréable. Attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Ah, pop. On a oublié. Félicitations. Merci. Pour ton bébé. Bravo. Félicitations. Au nom de Rod. D'ailleurs, j'espère qu'en troisième prénom, tu lui as mis Rod Twelfest. On trinque. Ah bah ouais. Bah, retrinquons. Hey, à cette nouvelle petite fille qui vient illuminer ta vie et tes nuits. Surtout. Ouais, parce que la lumière a souvent allumé la nuit. Hein. Du coup, je vais y retourner. Il va falloir que je ramène une suce. Pour pas de jalousie. Pour pas que jalousie. Prends lui un sweat. Comme ça, tu. Ça va lui dire avance. Ou un body. Ah oui, il y a qu'il y a des bodies. Très bien. Pour la gym. Donc, as-tu passé une bonne semaine, Joe? Bah écoute, ouais, pas mal. Parce que c'est ma dernière semaine avant les vacances. Mmh. Un peu comme elle est toujours bonne, celle-là. Elle est longue. Mmh. Je la trouve plus longue. Ah bon? Ouais. Ça, c'est parce que t'es. Bah écoute, moi, elle est quand même raccourcie parce que mon patron est sympa, il m'offre ma journée. Vendredi? Ah, ça, c'est ça. Pour les fêtes. Ah, ça, c'est cool. Ouais. Moi, j'ai posé 2 jours et je suis en vacances depuis hier midi. Mais j'aime pas trop tout ramener à moi. Moi, je ne sais pas, en fait. à chaque fois, tu me demandes. Mais attends, on va... Oui, je comprends pas trop. C'est pas vrai. Donc, t'as passé une bonne semaine, Joe. Ouais, mais elle est pas terminée. Hein. Il peut se passer encore des... Non, c'est pas ça. C'est du mercredi au mercredi. C'est mercredi au mercredi. Donc, bah, du coup, toi, depuis le dernier mercredi, est-ce que t'as passé une très grande semaine? Ouais, pas mal. Très longue. Ouais. Bah, très, très longue. Très bien. Bob, ta semaine? Il me semble qu'elle était un peu merdique. Pour changer. Ouais. J'ai retrouvé mon téléphone. Quoi. Tu as retrouvé ton téléphone. En état quasi neuf. Ah, ça fait plaisir. Et voilà, merci à vous. Et moi j'ai perdu ma bagnole. Donc je sais pas trop du coup si j'aurais préféré ne pas avoir mon téléphone et avoir ma bagnole. Je le cherchais. C'est pour ça que tu t'es planté dans la maison. Oui, parce que Jo s'est trompé de maison. Ouais. Petit détail, c'est la dernière, on a repris des bons becs. Ouais, désolé. Et on vous emmerde. Voilà. Non, on vous aime. On vous aime. Tu déconnes. Non, mais on a envie de fêter ça un peu, le retour de Joe, tout ça. La fin, le dernier épisode de l'année. Peut-être même le dernier tout court, on va savoir. Ouais, on est capable de tout. Ouais. Voilà. De rien. Donc, une semaine un peu mitigée, mi-fid, mi-raisin. Ouais, non, je dirais plutôt mi-pruneau, mi-laxatif. Mais parle-nous un peu de cette voiture, alors qu'est-ce qui lui arrive? Bah, on sait pas en fait. Ah merde. Alors, s'il y a des mécanos dans l'assistance, elle démarre plus. Du tout? Du tout. Sans raison? Ouais, même avec les pinces, tout ça, elle démarre plus. L'essence? Ouais, peut-être. Mais c'est du gasoil. Ah bah merde. C'est pour ça. Attends, on m'a foutu de l'essence. Non, mais je ne sais pas. Donc elle a été dépannée et tout, et là... Ouais, donc ils l'ont foutu à la valoche et tout, pour savoir s'il y avait des soucis. Ouais. Donc il y a des problèmes hein, sur la valoche, c'est bien marqué hein, qu'il y a des soucis. Alors, après, je ne sais pas trop, j'ai vu le collègue de celui qui s'en occupe, donc il n'a pas trop su me dire non plus, mais, d'accord. Mais ça pue du cul quand même. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïe. Donc, voilà. D'accord. Bah, on en va, même temps. Au pire, on va faire un... Pas un téléthon, mais... Non, on peut faire un Tipeee. Ouais, grave. Mm. Ouais, pour me payer une bagnole. Ah, bah oui, alors pour faire ça. Ou un camion aménagé. Non, mais sinon, pour déjà payer un vélo pour aller travailler. Oh, ça va. Non, mais c'est quoi? Ah, dis donc. Et c'est vachement bien le sport. Et franchement, ça te ferait pas de mal. C'est vrai que je m'en repatte un peu. Alors, très bien. Bah, moi, j'ai passé une semaine plutôt... Moi, on s'en fout. C'est ça. Moi aussi, je m'en foutais un peu. Parce que j'y étais, donc je l'ai vu. T'es déjà en vacances, en plus. Exactement. Mais j'ai dû poser 2 jours pour ça. Et ça a été très, très dur. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, ça fait 4 ans que je m'y prends. Ma boîte ferme. En fait, j'ai posé d'abord le samedi. Mmh. Et ma boîte a dit, bah non, on ferme le samedi. Donc, comme moi, je voulais pas être en vacances avec les autres, je pose aussi le vendredi. Voilà. Voilà, donc du coup. Je veux pas faire comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Et comme j'ai des horaires décalés, bah je ne bosse pas ni aujourd'hui ni demain. C'est ça. Mercredi, jeudi. Voilà. Eh bien, écoutez, ça m'a fait plaisir. C'était sympa. Ah, Joe, merci d'être venu. C'était tu changes rien, mec. Bye tu restes vrai. Allez, ciao. Au revoir. Allez, bonne année à tous. Voilà, de fin d'année à tous. Mais non, on déconne. On a tellement de choses à dire. Bah, moi, je déconne pas. Je dois y aller, là. c'est le biberon. Le c'est biberon voilà. De c'est l'heure. Je tenais à faire un petit point cinéma. Le point ciné. Point ciné. De retour. De retour ciné. Ouais. Ouais. J'ai été voir le nouveau Star Wars. N'y allez pas, c'est de la merde. Voilà, non. Ça, c'est ton point de vue. Non, pas du tout. Je pense qu'on se fout de notre gueule avec ce film. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais j'ai entendu ça tout le week-end. Moi. Mais tout le monde a trouvé nul ça nul. Non? Ou dirions qu'on trouvait ça bien? Bah, écoute, paraîtrait-il qu'il y a une polémique, ouais, comme quoi il se foutrait de la gueule des fans de Star Wars. En fait, non, il se fout de la gueule de tout. C'est-à-dire, en gros, l'épisode 7 lançait plein de trucs en disant, ouais, c'est des choses, en fait, dans un film, dans une saga. On te dit pas toutes les réponses, que tu dis ça va arriver plus tard. C'est vrai que ça pouvait que être nul. Et dans le 7, on te lance plein de trucs, et dans le 8, en fait, il répond pas, il dégage tout, il s'en fout. C'est ah oui, ça, je m'en fous, ça dégage, ça c'est pas bien. Ouais. Donc j'ai pas envie de spoiler pour les gens qui ont pas vu, mais. Et en plus, il y a un vrai problème de scénario. Il en est capable. Moi, non, je vais pas le faire. C'est le pire truc que je déteste au monde, spoiler. Ah ouais. Ouais. Donc je vous dirai pas ce qui arrive à. Non, il y a vraiment un moment donné dans le scénario où il y a tout un arc narratif qui se passe, mais qui ne sert à rien. Ça sert à rien. Vraiment, tu le retires du film, il se passe rien de plus, rien de moins. Mais en gros, le film en lui-même, tu le retires, il se passe pas grand-chose de plus ni de moins. C'est ouais, très... C'est l'argent de foutu en l'air. Non, mais ils sont un peu foutus de... Ça n'a pas de sens avec la cohérence de l'épisode 7, sans parler des autres après derrière, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas en train de me dire ce film est nul, j'avais une espèce d'encéphalogramme plat pendant tout le film. Ah ouais. Et j'ai quand même sorti mon téléphone pour regarder l'heure. Donc j'avais envie. Tu peux sortir. Hein. J'ai hésité. T'as le droit. Il y a un moment donné, je me suis dit, bah là, faudrait arrêter. C'est bien. Là, ça sauve pas le film, mais c'est pas si mal. Mmh. Voilà, c'était mon point. C'est rien de début. On va peut-être attaquer le sujet un peu de ce podcast, qui est à dire le Hellfest. Ouais, oui, c'est vrai. Donc on est à J semaine plus 1 du drame. À savoir l'annonce de l'affiche. Et suite à cette affiche, moi je voulais revenir un petit peu parce que j'avais vu quelque chose de bien quand je l'ai revu là récemment. En fait, ils l'ont légèrement modifié en changeant un peu la taille des groupes. Il y a certains logos qui ont été ajoutés. Vu, alors techniquement, il reste encore 6 groupes à ajouter, moi, de ce que j'ai. Enfin, 6 groupes à être annoncés. J'ai cru voir à peu près. Moi j'ai vu 157, toi tu me disais 154. Ouais. Ouais. Mais donc il y a. Combien de scènes déjà? 6. 37. Il rajouterait un gros groupe à chaque scène, ce serait ça. Ouais, je pense pas, ça c'est ce qu'on espère. Mais ouais, mais déjà, tu vois, la dernière fois, t'avais dit ouais, ce qui serait pas mal, c'est qu'ils balancent un petit peu des autres scènes, mais ils l'ont pas fait. Ça, on va en revenir parce que je voudrais que Joe nous donne après son avis là-dessus. Tout à fait. Moi, je voulais revenir sur un point que j'ai trouvé extrêmement positif quand je l'ai regardé. Je trouve que la typo et la couleur est jolie. C'est vert. Vert et gris. Une espèce de petit gris et bleu. Ça ressort plus que le jaune et le noir. Ouais, non, j'aime bien. Je trouvais ça joli. Oui, quand je l'ai regardé, j'ai fait tiens, c'est joli. Ouais, oh ouais. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors, sinon, une semaine plus tard, toi, Bob, est-ce que ton avis a changé sur l'affiche? Ah, t'as été voir Star Wars, toi. Ouais. Comment. Non. Non. Moi, personnellement, j'ai été... Bah, je pense que toi aussi. Mais en fait, j'ai écouté des groupes. Ouais. Et le fait d'avoir écouté des groupes, ça m'a fait moins l'aimer, cette affiche, en fait. Bah, moi, il t'ouvre pour l'instant. En fait, ça m'a... Ah, j'ai fait... En fait, après la déception, ou plutôt la non-hype, c'est-à-dire le non-enthousiasme, maintenant, je commence à me dire... Ah, mais j'ai pas envie de voir ça, en fait. Donc, pour l'instant, c'est mal barré. Ouais. Maintenant, on va revenir un peu à toi, Joe, donc tu vas te donner ton avis. D'abord, comment as-tu trouvé la communication du festival depuis ce début d'année ? À savoir, bon, bah, l'annonce de la mise en vente des billets, la vente éclair, après les premières annonces des groupes, la manière dont ça a été fait, et finalement, l'annonce finale. Voilà, comme ça. Ouais, dans cet ordre-là. Alors, comment toi, en tant que, donc, on va dire, nouveau Hellfestien... Hellfestivalier, comment toi, as-tu... Alors, comment déjà, on va dire, bon, le fait que... Déjà, as-tu acheté ton billet? Bah, moi, je suis pas attaché à ces choses-là, moi. Eh ben, c'est très bien. Moi, j'attends que tout sorte et voilà, je regarde déjà, le final, quoi. Ouais. Déjà, as-tu acheté ton billet? Non, je l'ai pas acheté. Hein. Toi, tu peux le dire, toi, c'est il bon. Ment. Il ment, il l'a acheté. Hein, je l'ai acheté et du coup, ça me fait bien chier parce que j'ai l'impression que je vais me retrouver tout seul, là. C'est un risque à prendre. Ah bah, tout à fait. Mon pote Alexandre de Toulouse... m'a dit cette semaine qu'il ne venait pas. Voilà. Comme ça, parce qu'en fait, il a un truc de F1 et puis non, ça c'est parce que du coup, il sait que j'ai pris ma place. Donc il se dit je vais pas prendre parce que si non, jamais il faut que je la revende, il l'avait acheté. Il l'avait acheté mais il m'a dit j'y vais pas parce que ça tombe en même temps. Et parce qu'en fait, je lui dis "Eh, t'en penses quoi de l'affiche ?" Il me dit "Eh, bah je vais pas y être. Et pourquoi tu me l'as pas dit ?" Enfin tout ça après on s'est ouais. dit, voilà, bah, t'es vraiment un connard. Oui, foutu en l'air 30 ans d'amitié. Ah ouais, 30 ans, tu sais même pas compter. Enfin ouais. Ça va loin quand même. Ah bah, il aurait pu me le dire. C'est pas faux. Non mais attends, moi je t'aurais jamais fait ça. Moi non plus. Tu vois ? Je me serais jamais fait ça. Alors tu vois, on est déjà deux. Ouais. toi t'étais pas en attente de l'affiche ? Si, bien sûr, mais la façon dont ils l'ont fait. Ouais. Moi, ça me... Par exemple, une fois qu'ils avaient annoncé les... Après, vous avez fait des comparatifs avec le download et tout ça... Ouais. Bon, bah, l'un ou l'autre, la façon de faire, moi je m'en fous un peu, quoi. Le principal, c'est ce qui sort à la fin, quoi. Mais donc, tu trouves pas. Tu peux faire un super truc, une super com, et puis en fin de compte, décevoir tout le monde, tu vois. Bah, mais justement, toi, comment t'as trouvé les annonces du download, par exemple ? J'ai pas fait gaffe. Ah, bah voilà. Le fait qu'il y ait, par exemple, une quatrième journée. Non, il arrête de bosser avec nous, et voilà, il s'en fout du reste, maintenant. Il y a une quatrième journée d'annoncer. Et la quatrième journée, ils ont mis Guns N' Roses pour un concert de 3 heures. Un vrai concert de Guns N' Roses. Ça claque. Que bah, surtout pas... s'ils ont fait un bon truc dès le début, tu vois, ils remettent un peu de... Bah en fait, ils ont dit, on annonce un groupe par jour, 1, 2, 3, puis le quatrième, ils ont dit, ah en fait, on a une quatrième journée, c'est les Guns N' Roses. Tu vois, donc ça fait un peu... Alors qu'en fait, la plus grosse affiche du Hellfest, elle a été dit le Day One. Mais en peu de temps aussi, quoi. Oui, sur la même semaine. Et ils ont pas trop attendu avec derrière. Et voilà. la première annonce du Hellfest, c'était le plus gros groupe, Iron Maiden. Plus gros groupe. Donc derrière, tu veux forcément faire... Ah, bah, y a quoi derrière, en fait ? Et en fait, derrière, il y avait des trucs bien où on n'aime pas, mais voilà. Et donc toi, pour l'instant, donc, bah, on va dire, donc, du coup, toi, leur manière d'annoncer, ça tu étais content à chaque fois, en fait, avec quatre groupes, ça te plaisait ou... Ouais. Tu étais content tout le temps. Ouais. Tu étais dans l'attente aussi de la suite ou tu prenais comme ça quand même bah oui forcément ouais. Une fois que c'est lancé ils nous annoncent que ça va arriver, bon bah on attend quoi. Bah t'as pas trouvé ça un peu long, un mois? Non. C'est vrai que t'as eu un enfant entre deux, toi, ouais. T'es occupé. C'est ça qui joue sûrement. Et du coup l'affiche définitive tu l'as trouvé comment? Bah déjà de la première vue j'ai vu global, waouh, je connais rien du tout quoi, à part les premiers noms qu'ils ont sortis quoi. Ouais. Donc, non, bah, du coup, il faut que je me mette à écouter. Et... Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pas trop de déception. Puisque. Ça viendra. En fait, nous, sur le moment, c'était pas forcément de déception de ce qu'il y avait. Mais c'est plus un. Parce qu'en fait. La déception de ce qu'il y avait pas. Ouais, voilà, pas. Peut-être plus. Mais après, c'est un mauvais mix des groupes entre eux, je sais pas. Ouais. Mais c'est un peu comme si, en fait, toutes les autres affiches nous avaient donné envie, mais pas celle-là. C'est plus ça, en fait. Je crois que c'est ça marche pas trop d'attente chez les gens par rapport au fonctionnement du Hellfest. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, en fait, les gens payent une place tout en se disant... Ça va être bien quoi qu'il arrive. Ouais, et puis au final, ils sont dans l'attente de tout. Et puis, bah, ils sont tous déçus. Bah ouais, mais c'est parce que donc, c'est aussi le Hellfest, en fait. Moi, je rentre un peu dans ce fonctionnement-là. Et puis, je me dis, bah, écoute, moi je veux Hellfest parce que, du coup, j'y suis allé une fois, j'aime bien ça. Mm-hmm. Et peu importe ce qu'il peut y avoir comme groupe, je m'en fous, j'y vais. Et puis, voilà, ouais, mais pareil sur place, quoi. Par exemple, quand tu vois Limp Bizkit et Plémo, ça te motive à y aller? Non, mais le reste... Tu n'iras pas forcément en même temps aussi. Voilà, mais non, mais je veux dire, c'est quand tu... Moi, j'ai bien vu la course que c'était pour aller voir tous les groupes. C'est ça. Donc là, je me dis que bah, deux groupes comme ça... Bah, non, mais ça, je suis... Je sais que je vais pouvoir aller faire autre chose, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je ne suis pas non plus... C'est pour ça que c'était un peu le bilan qu'on avait. C'est une bonne affiche, parce qu'elle brasse tout, mais c'est plus, en fait... Même malgré qu'elle brasse tout, il n'y a pas vraiment de pic ou de trucs qui, à chaque fois, me... Enfin, pour l'instant, en tout cas, qui me font dire j'ai absolument envie d'y aller, quoi. J'ai rien qui me fait... De ce que j'ai vu là, je ne me dis pas, si je la rate, c'est grave, pour l'instant. C'est exactement ce que je me dis. Et le problème, c'est que j'ai quand même un podcast dessus. Ouais, c'est ça. C'est un peu le hic. D'accord, très bien. Petite question qui n'a rien à voir avec l'affiche. Comment s'est passé ton arrêt de ce podcast? Un petit peu de manque, un peu de regret, un petit peu de manque et de regret. Finalement, non, parce que j'ai pu... sympa. Je vous ai écouté, sans moi. Ouais. C'était mieux. Bah, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est bien déjà, pas mal. Bah, oui. Moi, j'avais jamais misé aussi haut hein, que pas mal. Hein. Bien. Après pas mal, il y a bien. C'est déjà vachement haut, bien. Ah bon? Vu le niveau de préparation qu'on a à chaque fois, je veux dire que bien. Assez bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, bah oui, bah, pas mal. Tu vois, bien. Oh, mais on peut toujours faire mieux. Hein. Pas mal, c'est en dessous de la moyenne, quoi. Bon, moi, je le prends comme ça, pas de problème. Bon, après, il faut signer en bas de la page, là, si tu veux. Je dis. C'est pas une page, c'est un chèque. En même temps, si tu les as écoutés, personne t'a forcé, donc c'est que t'aimais bien. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais écoute, c'était... Donc, t'avais un manque, quand même. Cool, je me suis bien marré en vous écoutant. T'as pleuré. Ça t'a pas donné envie de revenir, en disant, ouais. Tu vois, mais... Non, je préfère. Les podcasts, les quelques podcasts que j'ai écoutés quand j'étais là, bah... On en parlait tout à l'heure, c'est pas la même écoute. Tu vois, tu te fais un peu moins la gueule. Bah toi, oui, écouter, t'as pu l'écouter. Mais il y a la découverte aussi, c'est ça. Parce qu'il était pas là, donc du coup, forcément, il découvre. Donc, Et puis surtout que du coup, on a dû beaucoup meubler et se faire une espèce de ping-pong pour pas qu'il y ait du tout de blanc. Alors que c'est... Voilà, c'est... Et du coup, ça va? Ça choque pas trop parce que nous, on s'écoute pas? Non, pas du tout. Non, au contraire. C'est prenant. Je suis allé jusqu'au bout des podcasts. Ça, c'est parce qu'il nous connaît. Ouais, c'est pour ça. Faillot, il savait qu'il allait revenir. En plus. Coup... Par contre, t'as mis ton temps pour revenir. Hein. T'imagines si t'avais découvert l'affiche la semaine dernière. 11 numéros. Et en plus, on a commencé en retard. Normalement, tu serais peut-être à 15, peut-être. Mais largement. Mais putain. Oh là là là, moi je suis... Genre, moi j'en ai gros sur la patate. Et je peux te dire, mon gars, qu'on te réserve un chien de notre chienne. Et tu vas pas le voir venir, que ça va te taper au coin de la gueule. Ah. Ouais, voilà, c'est ça. Bah si, un peu. Oui, non, mais je trouve que l'expression... J'aime bien. Les expressions... J'arrête pas de... J'aime beaucoup c'est ça. C'est cocasse. C'est bon. C'est assez saugrenu. J'aime bien un petit peu taquiner la gorille. Oh. Ouais. Ok. Donc, on repart sur quelques news, avant de reparler un peu plus de l'affiche et des groupes qu'on a écoutés. Ou tout à écouté. Fait. Très très bien. Ah, c'est très très bien, je le tiens celui-là. Aujourd'hui même, Joe m'a envoyé un message pour me prévenir d'une news sur le warm-up, à savoir, ce sont des soirées organisées par le Hellfest afin de préparer, on va dire, l'ambiance du festival. Je ne sais pas trop comment on le vend, en fait. Ce seront 2, 4, 6, 8, pardon, t'as dit 10, quoi 12, 13. 13 dates. Ce seront? Ce seront pas. Ce seront. Ce seront. T'aimes pas? Ce seront. Oui, ça, ah, ce est-ce sera, que par exemple. Après, ils disent bien, c'est ça ou pas? Le warm-up, oui. Quel autre festival le fait? Je sais. Il n'y a pas le motoculteur qui le fait, ça aussi? Je sais, peut-être, mais je sais pas. Bah, pas une tournée comme ça. Non, mais. Peut-être. Un petit truc. Une petite soirée avant? Ouais. Peut-être. Je sais pas. Non, mais. Attends, c'est une seconde, Joe. On n'est pas en train de dire que le Hellfest fait que de la merde. On a émis des avis sur... Non, mais j'essaie d'équilibrer un peu. Non, mais tu as positif et négatif. Mais en vrai, il y a pas. L'avocat du diable. En vrai, il y a pas de point positif et négatif. L'affiche, elle a plu à plein de gens. Elle a peut-être déplu à plein de gens. À plein de gens. Mais au final, ça change rien. Ce qu'il faudra voir, c'est qui va revendre sa place, qui va y aller, et si les gens seront contents sur place. Moi, j'ai vu des trucs, justement sur le fameux groupe de Facebook, où des gens parlaient d'un groupe, de Carpenter Brut justement. J'ai vu quelqu'un dire, c'est le concert que j'attends le plus. Donc le warm-up. Le warm-up. Ça me fait mal à mon petit cœur quand tu dis des choses comme ça. Warm-up, ce sont des soirées avec. Suis d'accord. Ouais, hein. Mmh. Ce sont des soirées avec concerts. Donc au programme 13 dates qui vont passer par Rennes, Rouen, Nancy, Vitry, François, Besançon, Paris, Lyon, Genève, Nîmes, Biarritz, Angoulême, Orléans et Nantes. Ça commencera du 18 avril jusqu'au 30 avril. Le prix en moyenne de ces soirées, c'est 20 euros. C'est moins cher dans certaines villes. C'est un tout petit peu plus que 20 euros dans d'autres. Et au programme, donc un concert d'Ultra Vomit et de Display of Power, un groupe de reprises de Pantera. Forcément. Et sûrement un groupe local à chaque fois, je pense. Ouais. Enfin, un groupe. Avec un grand concours de air guitare, un karaoké métal de Manard. une projection. Ça va être mignon. Une projection de quoi ? Je ne sais pas. Un photobooth interactif, du merchandising exclusif. C'est vrai qu'à chaque fois ils ont des putains de verres. C'est scandaleux. Bah ouais. Scandaleux. Ah ouais, moi c'est... Et des cadeaux surprises, dont un passe 3 jours par soir, je crois, à gagner. Bravo, super. Un bon. Seul. Ouais, ouais, mais c'est déjà. Ça en fait 13 en tout. Hein. C'est toujours. C'est le complotisme. Mais c'est pas possible, c'est pour ça qu'il y a 13 dates. Mais c'est. Attends, sérieux? Mais c'est n'importe quoi. Hein. Oh là là, on mecs. Est où là? Alors quoi, 13 septembre, sais. 13 octobre, 13 novembre, 13 décembre, 13 janvier, 13 février, 13 mars. Et ça commence le 18 avril à Rennes. C'est zéro les mecs. Oh les losers. Ah, c'est clair. Bon bref, je suis assez surpris par contre de voir que sur les 13 dates, il y a le concert d'Ultra Vomit et qu'au final, Ultra Vomit seront au download. C'est un peu... Ouais. Après, bon, ils étaient déjà en warm-up de cette année et dans les soirées du Cult. En tout cas, la dernière soirée du culte. Ouais. C'est toujours une bonne initiative, ce genre de soirée. Et d'ailleurs, Joe avait quelque chose à nous demander par rapport à ça. Est-ce que ça vous branche d'y aller ? À laquelle ? À Rennes ou à Rouen, ou les deux ? Alors, Rennes, c'est le 18 avril. Le petit billet que je t'ai montré tout à l'heure, c'est le 5 avril. Donc, je serai rentré, potentiellement. On a un mois de mars chargé. C'est au mois de mars, toi ? Ouais. Non, c'est pas au mois d'avril ? Mars. Non. Mars. Non, avril, c'était. C'était des gros panafiles. C'était Trivium. C'est Trivium. Ouais. Oh, tiens, ok. Donc, Rennes, c'est le 18, le 19, c'est Rouen. J'ai envie de te dire pourquoi pas, à voir. Ouais, faut qu'on réfléchisse. Je sais pas, je serais curieux de voir. C'est vraiment. Puis on irait en investigation. Ah bah oui. Moi, c'est surtout ça aussi. Hein. Attends, ma vie n'est que d'investigation. C'est ça. Donc on a dit combien ? Je te dis pas non, je te dis pas oui. Le 18, c'est un mercredi. Je travaille du matin, donc il faudrait rentrer vite. C'est un mercredi le 18 ? Mercredi, ouais, 18. Ouais. Le 19, c'est un jeudi. Je travaille aussi du matin, donc il faudrait rentrer vite. Ça tombe en semaine. 10h ? Ouais, mercredi et jeudi. Au plus tard. Hein ? Vers 10h au plus tard. Ce serait bien, ouais, sinon j'aurais une petite nuit. Voilà, en tout cas, c'est la principale news de la semaine avec le remaniement un peu de l'affiche. Mmh, bien sûr. En même temps, je pense que là, il y a normalement de quoi dire pendant quelques semaines et mois. Quelques décennies. T'en penses quoi, toi, cette botte, toi, Joe ? Bah écoute, en semaine, déjà, c'est... Ah, d'un seul coup, l'envie retombe. C'est un peu plus compliqué, ouais. Bah, envie d'avoir envie. Après, Rennes, Rouen... Ouais, c'est la porte à côté. Ouais. C'est 2 heures. 1h30. Bon, tu roules vite, ouais. avec ta Passat. Ouais. Ta Fiesta. Tu as une Ford Fiesta, pas ? Pareil. Ah oui, ouais, d'accord. Autre, c'est pareil. Autre petit, chevaux près. Petite news que j'ai vue justement sur le... Mais ma voiture, elle marche. Non, elle démarre. Elle démarre. Même ça, si elle roule pas, c'est pas grave, tant qu'elle démarre. La mienne aussi, elle démarre. Combien de fois t'as emmené au Hellfest ? Combien de fois j'y étais ? Hein ? Combien de fois t'as emmené ma voiture ? trois fois. Ah alors, monsieur, elle critiques. Ah oui, oui, parce que parfaitement, parce que tu sais quoi, mec. Il y a pas la clim. Il y a pas la clim dans ta voiture. Allez tous vous faire foutre. Ouais. Je claque la porte. Dans ce cas-là, faut nous le dire, nous on te la paye la clim s'il faut. Putain, on a eu tellement chaud. J'y peux rien si c'est la canicule pile poil ce week-end-là, hein. Oui, enfin. Et qu'après il flotte. Non mais la clim de ouvrir la porte, ouvrir les fenêtres, vous allez voir, tout va être super. Bah quoi. Eh bien, il y a toi panoramique, tu peux regarder les étoiles. Bon, on roule de jour, bon, c'est l'idée. Voilà. Donc sur le groupe, autre news que j'ai vu passer, il y a quelqu'un qui a créé un post sur un des forums du Hellfest où on peut retrouver, dès que c'est validé, les jours de passage des groupes. Donc on a déjà une première idée en fait. Ouais, enfin... Écoute, pour les gens qui veulent venir qu'une journée, c'est très bien. Oui, mais les passes un jour ne sont pas encore mis en vente. Oui, mais t'as déjà une idée. Mais toi, déjà rien à secouer. Tout à fait. À savoir que par exemple Uncommon from Mars passera plus le vendredi d'après le site du tourneur. Stone Sour aussi, Son of Apollo, Rostatu, Rise Again. Après il y en a deux trois qui sont marqués attente de validation, ils sont annoncés comme sur le site officiel, mais est-ce qu'ils ne font pas le running order avant de mettre les passes un jour en vente, je ne sais plus. Je ne sais pas du tout, c'est une très bonne question. Bah sûrement que si en fait. Suffit, c'est dans la logique. Moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que pourquoi ils mettent pas directement... en fait parce que ils mettent pas directement oui, voilà. j'allais pour dire mieux le nom des scènes avec les groupes au moins parce que tu vois une grosse affiche comme ça pour des gens qui viennent et qui connaissent pas forcément tous les groupes de métal et ben ça de ça c'est chaud pour écouter c'est ça quoi que tu veux dire. On voit une grosse affiche avec tous les noms. Donc parce que toi, tu voudrais savoir selon la scène et tu irais directement choisir en fonction de la scène. Ouais, parce que selon les scènes, moi, je suis plus orienté vers la vallée ou la Warzone. Ouais, mais enfin, alors, techniquement... Et donc là, je pourrais faire un gros tri déjà en me disant, bon, bah... Après, j'aurais tendance à dire, normalement, tu connais ton style. Donc tu sais plus ou moins où tu vas. Donc c'est après, si jamais toi, tu connais pas, bah toi de découvrir, tu vois, c'est... Et après, regarde ce qui passe en main stage. Pas, tu peux carrément jeter l'éponge. Ah bah oui, mais après ça c'est j'abandonne. Tu fais un podcast et tu fais un tirage au sort. Voilà, et c'est ce qu'on a fait parce que au final on n'a jamais autant écouté. Donc, c'est pas faux. Mais du coup, c'est une des choses que j'ai trouvé bien. Dans le podcast. Voilà. Bah, nous aussi. Ça c'était vraiment cool. Quoi. Une des choses. Une des choses. Et la bière, c'était les deux seules choses que je trouvais bien. Voilà. Notre compagnie, que dalle. Voilà. Hein, les bonbons gratos, que dalle. Que dalle. Mais par exemple, tu vois, regarde un groupe comme Body Camp, nous la dernière fois qu'on n'a pas pu le voir parce qu'on s'était blindé, c'était à la Warzone. Et qu'on voulait le voir. Et là, il passe en main stage. Et là, on n'est pas content. Ouais. On aurait préféré qu'il vienne à la Warzone maintenant qu'elle a été refaite. Bah oui. Mais non, et en main stage, ça me dit rien en fait. Bah non plus. Donc tu vois, quelque part, les groupes qui sont en main stage, ils n'ont rien à voir avec le. Ça n'existe pas quoi. C'est pas main stage mainstream forcément. Donc quand tu vois que Belphégor passait cette année en. C'est Belphégor ou BMET ? C'est quel des deux qui a passé en main stage ? Oh la vache, bonne question. Je crois que c'est... Il y a Belphégor, c'est sûr. C'est peut-être BM... Attends, faut que je vais vérifier. Mable ! Mable, vite pendant ce temps-là. Vite, alors, vite. Attention. Je suis aussi, moi, alors. Attends, alors, donc, bonsoir à tous. Non, je pense pas que ce soit Belphégor. Non, ça doit être BM, attends, ça doit être BM. C'est BM, je crois. Mais je veux plus vérifier pour être sûr que de dire de la merde. Bon, alors, je meuble. Meuble quand même. Je meuble. Nous rappelons à tous hein, que Tout sur mon dino, le podcast de Bob sur les dinosaures... Et toujours en écoute et disponible. Hein. Ouais. Bon, il y en a qu'un par an. Il y en a qu'un par an, mais c'est le seul. Mais il est toujours disponible. Il est toujours disponible. Hein. Et on peut dire qu'il cartonne à chaque fois. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai quoi. Allez. 3-4 écoutes. Mais oui, mais c'est un peu un podcast. À chaque fois que les gens écoutent. Behemoth Group. C'est bon. Non, j'attendais de voir si tu parlais encore. Parce que j'aime pas trop déranger pendant que je fais mon. Alors, le trilobite. C'est BMH. Non, mais vas-y, va. Fais ton trilobite. Ah non, mais tu m'as cassé mon trilobite, quoi. Moi, c'est BMH. Non, mais je le garde pour plus tard. Parce que d'accord. Tout le monde connaît le trilobite, mais est-ce que tout le monde le connaît vraiment? Vraiment. Exactement. Deftone passerait aussi le vendredi, ainsi qu'Alice in Chain. Le samedi, il y aurait plus Black Bomba, Body Count, Parkway Drive. Je les cite pas tous, hein, je suis de ceux que je connais le plus. Le dimanche 24, Baroness, Batushka, je connais pas, je sais pas pourquoi je cite. Exodus, Iron Maiden, Marilyn Manson, Megadeth. Ses amis, non? Non, c'est pas ça. Hein, c'est Babouchka. Oh. La baronesse, c'est Douchka. Ah, c'est Douchka. C'est le dernier podcast. Pardon ? Ça m'a fait rire d'écouter le dernier podcast parce que je vous ai entendu dire « Ah, baronesse, ah, bah, ils sont déjà venus l'année dernière !» Bah oui, c'est le seul groupe que quand j'ai... De la première vue, quand j'ai regardé l'affiche, j'ai fait « Ah, baronesse !» Bah oui, bah, de comme quoi on dit pas de la merde. Nos infos sont fiables. Ouais, mec. Voilà. Donc, enfin, c'est une... ça va s'étoffer, mais c'est déjà une bonne base et ça peut être très pratique. Et Orange Goblin, il passe quand? C'est pas marqué Orange Goblin. Non. Même je connais, je leur ai dit. Bah ouais. C'est pas marqué. Je pense qu'ils pensent un des trois jours. Ah, c'est comme j'ai regardé vite fait la liste de comment du Liberty Galactica de Spotify. Tu sais que t'as regardé la semaine dernière le truc Hellfest. En fait, c'est quasiment que des groupes mainstage. Ouais, bah, j'ai puis il y en a 15 artistes. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Et bah, je l'ai dit la semaine dernière, hein, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais c'est pas très très bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que. Hein, d'accord. Dans la vie. Hein. Oh. Oh. Ça va, hein. Alors, sinon, on va faire des. Là, j'ai d'autres news hors Hellfest, un petit peu. C'est toujours les mêmes groupes dont on parle, mais comme on l'a déjà dit, si vous voulez qu'on soit plus exhaustif sur d'autres styles, faut nous le dire et nous communiquer parce que voilà. Nous on part du principe qu'on part, et je parle au nom de moi et de Bob, on va parler des groupes qu'on écoute et qu'on connaît. Parce que j'ai vu plein d'autres news passer, mais quand je connais pas le groupe, je vois pas l'intérêt de faire semblant de dire. Et au fait, le tel batteur de tel groupe est parti alors que je n'ai aucune idée de qui c'est. Voilà. Voilà. On peut s'y intéresser, mais si on connaît pas, faut nous laisser le temps. Voilà. Donc faut nous dire, on fait ça en plusieurs étapes. Faut nous dire, et après... Sinon, je ferais bien une petite pause pour remercier Nico, quand même, parce que... Ah, mais c'est exactement ce que j'étais en train de penser. Ah, bah, tu vois, et bah, merci, Nico, de tes représentants officiels. Voilà. Maintenant, on mandate les gens. Tout à fait. Voilà, donc... On t'a pas répondu. Non. Bah, déjà, moi, d'une, parce que j'avais pas accès à... Internet. Mais qui est Nico comme ça. Ah, on en a parlé la semaine dernière. Non, il y a 15 jours. On en parle assez souvent. Hein. Oui, Nico. C'est un ami, c'est un pote. C'est vrai. C'est lui qui doit nous payer une bière à Machine Head. Ouais, c'est lui qui nous paye la première bière. On a dit, c'était lui. C'est l'Entrepode. T'as déjà oublié dans la saison, on en a parlé. Ouais. Bah, bravo, John. C'est peut-être un épisode que j'ai pas écouté. Mais non, mais tu étais, bordel. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça, il était là. C'est un épisode où il était pas. Ouais. Ah, c'est... Il était là physiquement. C'était possible en plus qu'il y ait un épisode où il était pas. Oui, c'est vrai, Charles. Ça se peut. Donc c'est un qu'on les réécoute tous. C'est un podcast. Ce sont deux amis. T'as vu ce qu'il a marqué? Bah qu'il allait. Merci. Belle description. C'était marrant. Donc non, en fait, la semaine dernière, on a annoncé qu'il y avait un concert de nos amis de chez Génome à Rouen, et donc comme Nico habite Rouen, on lui a dit bah t'iras pour nous, et puis il a dit bah qu'il irait sur l'Ange faire un tour, et il va aussi voir Machine Head mois de mars. Donc on doit essayer normalement de se retrouver là-bas. Ça va être encore une belle histoire. Ça va pas mal. Ouais. Et on peut faire un trinôme. Génome, Road to Hellfest, l'Entrepode. Blah. Oh la vache. On n'est pas rentré, je peux te le dire. Ouais, c'est clair. Ouh. Voilà. Donc, du coup, bah, Nico, tu pouvais aller aussi au warm-up à notre place. À Rouen, ça serait pratique. Voilà. Nous t'en remercierons beaucoup. Voilà, donc on va parler de quelques news en vrac avant d'attaquer enfin les chroniques comme à l'ancienne, des groupes que nous avons écoutés avec joie. Hey. Et bonne humeur. Avec Joe. Alors Slipknot va entrer en studio. Et c'est le à quelle heure? Alors bientôt. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'on est au mois de décembre et la news était Slipknot va entrer en studio en novembre. Voilà. Sympa. En novembre 2018 peut-être. Je suppute. Sinon, bah, on est à la bourre. Ils ont déjà 6 ou 7. 6. Ils ont déjà quelques chansons. 7 ou 8 chansons terminées pour le successeur de The Grey Chapter. Donc ils vont bientôt entrer en studio en novembre. Et on a hâte. Voilà. C'est ça. Serj Tankian, chanteur. Accessoirement, ouais. Et auteur et poète et... Mangeur de spaghettis. Sûrement. Chanteur de System of a Down, bien sûr. Vient de sortir une nouvelle chanson en solo, Industrialized Overload. Et j'ai oublié de l'écouter, de la faire écouter à mes comparses. Donc, on va dire qu'elle est vachement bien. Surprenante. Il y a un moment, j'ai pas trop accroché. Mais bah, ouais, c'est assez surprenant parce que on sent les influences de System et en même temps, ils s'en éloignent. Ouais. Bah, c'est du Tankian. Ouais, c'est du Tankian. T'en as pensé quoi, toi, Joe? Je l'ai pas écouté. Et il a même pas écouté ce que j'ai dit. J'ai fait tout le podcast, moi. Mais là, 30 secondes. J'ai dit que je l'ai pas fait écouter. J'étais en train de penser à autre chose. Donc, on a improvisé. D'accord. Merde, est-ce que j'ai bien acheté des couches? Putain. tout sur mon bébé. Le podcast de Joe. Voilà. Écoutez, sans retenue ou l'expérience d'un père de deux jeunes enfants. Voilà. Comment il s'en sort au quotidien dans les difficultés liées au travail, à sa vie personnelle et à sa passion, la musique. T'en as quel numéro déjà? Les nuits sont courtes. On ne peut pas lui en vouloir. Excuse. Il y a un décalage, faut que je rattrape pour moi. Ok. Deux autres news rapides. Avatar a dévoilé la chanson The King Wants You afin de promouvoir le futur album Avatar Country qui sortira le 12 janvier avec un clip, bien sûr. Avatar, tu te souviens, t'es bien. Tu n'as pas écouté les deux nouvelles chansons? Non. Non. Intéressé par un nouvel album d'Avatar? Bah ouais. Va écouter. En aléatoire. Donc bah, ça va, il y a deux morceaux. Donc... Ouais, là ça va. The King Wants You, je l'ai écouté quatre fois quand même pour voir vraiment si. S'il y a un truc que tu comprenais pas. Bah oui, il y a un truc que je comprends pas. Mais autant la première elle passait bien. Ouais, elle passe très bien, même j'aime bien les morceaux. Ouais, autant là ils sont encore dans leur nouvelle prod un peu différente, mais. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est pas ça qui me dérange, moi. Non, c'est pas du tout. Au contraire, quoi. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt bien propre, c'est du beau son, mais. Bah, je crois qu'il a une façon de chanter. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont un peu. Rythmique, ils ont un peu perdu de leur folie, ou c'est parce que c'est lié au. C'est un album à thématique. Ouais, thématique, enfin, je sais pas. Il raconte une histoire, peut-être. J'ai pas trouvé le morceau mauvais, loin de là. Non, c'est bon, mais. C'était un peu en dessous de. J'ai du mal à l'écouter, moi, quand même. Enfin, je l'écoute deux fois. Et... Bah, je voulais que ça. Je voulais essayer de voir. Il manque un truc. Et dans le même ordre. Une grosse différence avec ce qu'il faisait avant. Bah, pas une grosse. Non, c'est pas ça, c'est la. C'est plus le morceau en lui-même, quoi. Parce que ressenti. Le premier morceau, c'est tout à fait. C'est tout à fait dans l'esprit Avatar, quoi. Tu sais, le côté un peu. Déjà, Avatar, c'est un groupe énergique, on va dire, ça groove, ça ambiance. Là, ça bouge encore, mais d'une autre manière, un peu. Ouais, c'est assez bizarre. Ouais. Bah, tu l'écouteras, tu vas voir. Ouais. Et dans le même ordre d'idée, Machine Head, encore eux, ont sorti une nouvelle vidéo, live, afin de promouvoir la sortie de Catharsis. Et je comprends pas, en fait, pourquoi. J'ai vu le truc passer et je l'ai laissé passer. Donc le nouvel album qui sortira le 26 janvier, donc en fait il y a une news de Machine Head sur une sortie d'un clip tous les 15 jours. Il y a eu Beyond the Pale, ensuite il y a eu la vidéo live de, je sais plus le titre, We Are Fire, je sais plus quoi. Ouais. Après il y a eu le clip de la nouvelle chanson Catharsis et maintenant un Tento Hammer, effectivement très efficace en live parce que, pour rappeler à Joe, en fait, ils sortent la version de luxe du nouvel album qu'on prendra un DVD avec un concert live du groupe. Du coup, ils font la promotion avec ça. Et autant je trouvais le faire une fois bien, autant le faire deux fois, je vais commencer à me dire, mais ils ont si peur que leur album soit pas bon, quoi. Pourquoi mettre en avant cette partie-là dans un album qui est la version de luxe, pas la version de base. Ça, c'est pas le coffret de base. Et allez, on est sympa, on vous file un DVD live en plus. Ça, c'est un truc que pour ceux qui vont l'acheter en double, pourquoi faire autant de promotion là-dessus? Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... Qu'ils insistent dessus, je trouve ça un peu chelou. Ouais. C'est mon avis. Ouais, non, bien sûr, on le reçoit tel quel. Bah, c'est gentil. Et nous l'acceptons. Voilà. Ils ont peut-être pas eu autant de réflexion que toi, finalement. Moi, ça me ferait bien chier. Parce que... Bah, quand même, les mecs. Ouais, c'est peut-être ça, ça sera. Qui sait. Putain, là, tu marques tellement un point que je peux pas. Bon, bah, ils se sont dit, ouais, c'est cool, on sort ça. Bon, bah, ouais, voilà. Pour le feu. Un petit bonbon, Joe. Non, merci. Tu perds ta voix, tu feras attention. Donc, on va passer au chronique. Alors, jingle. Les chroniques. Voilà. Pa, pa, pa, pa. Non, là, c'est. Pa, pa, pa, pa, pa. Donc, ce sera les chroniques de cette nouvelle affiche, l'affiche de 2018. Avec tous ces groupes qui nous ont autant. Combien aux Champs-Élysées. C'est ça. Voilà. Tiens, d'ailleurs, en revenant dessus, est-ce qu'il y a quand même 2-3 groupes qui t'ont fait... Bah, Iron Maiden, t'étais content. Ouais. Judas Priest. T'étais content? Ouais. Est-ce que t'aimes bien Judas Priest? Depuis longtemps? Quelques années. Ah ouais? Ah, moi j'ai beaucoup de mal. T'es vieux, en fait. Ah ouais? Ouais, je sais pas. T'es un vieux monsieur? Je pense que encore les premiers albums, ça peut aller, mais j'ai plus un problème avec sa voix au bout d'un moment. Ah bah... C'est totalement ça. Moi, j'ai musicalement, ça passe, mais alors franchement, la voix. Mais c'est... Bah, ça, c'est toujours mon problème. Bah, oui. Ouais, non, mais. Tu m'avais parlé d'Accept aussi, où t'étais content? Ouais. Hollywood Vampire, on en parlera tout à l'heure, je pense. Ouais. Megadeth, je sais plus ce que tu veux vraiment parler. Non, mais c'est parce qu'en fait, je crois que. C'est dans ses coups. Oui, tu crois qu'il faut rien attendre de Hollywood Vampire. Ah, wow, calme-toi, mais si t'arrives, là, petite dingue, toi. Tout de suite, là. Ok, d'accord, on va commencer par ta chronique, mec. Alors, dans tes groupes, t'avais Hollywood Vampire. Allez. Donc, vas-y, qu'est-ce que t'as. T'as écouté? Ouais. T'as trouvé ça comment? Bah, écoute, c'est des reprises et. Bah, je trouve ça cool, moi, qu'ils viennent faire des reprises. Qu'il y ait un groupe comme ça qui vienne faire des reprises. Toi, en là, hommage. En hommage? À certains groupes. Ouais. C'est le mot hommage que tu emploierais. Tu vois, t'as de la chance que cette bière soit si bonne, sinon je pense que je te la crache au visage. Hommage. Alors, encore une fois. Non, mais je pense qu'il faut penser aussi à s'éclater, quoi. Ils vont venir, ils vont refaire des reprises. Je trouve ça cool, moi. Mais tu trouves pas que c'est un peu voler la place d'un vrai groupe, peut-être? Bah, non. Parce que Hollywood Vampires, c'est un groupe de reprises, comme il y en a beaucoup, c'est vrai. Sauf que c'est même pas une modification, vu qu'ils reprennent des chansons d'Alice Cooper qui chante dans le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est gênant, ça, par exemple. Et que quand t'écoutes la chanson, c'est la même. C'est la putain de même. Ah, c'est un petit peu revisité, quoi. Mon cul, oui, parce qu'à la fin, ils ont rajouté Another Brick the Wall, c'est tout. Mais sinon, c'est la même chanson. Je veux dire, moi, ce qui m'embête dans c'est qu'ils vont être au main stage. Alors qu'il y a des groupes qui peuvent pas atteindre la main stage. Mais là, c'est parce que c'est Johnny Depp, Alice Cooper, et j'ai oublié son nom, mais guitariste. Bobby Six Killer. Non, c'est pas lui. Ça te plaît ? Non. Moi, mais toi, ce que t'as écouté, t'as bien aimé ? Non, mais ça va me faire délirer sur place de réécouter des reprises comme ça, quoi. Parce que donc, du coup, Led Zepp. Tu comptes aller les voir, donc ? Bah, c'est tout dépend ce qui est à côté, quoi. C'est toujours pareil. Mais quand t'as vu ça, tu t'es dit, ouais, c'est cool. Bah, ouais. Parce que ils font des reprises, et pour moi, ils les font bien. Ils les revisitent, ils nous font. Ils mettent un peu leur dose artistique dedans. Et justement, moi je trouve pas, moi. Je trouve pas qu'ils revisitent, mais qu'il y ait une dose artistique. Je trouve qu'ils font la même chanson. Il n'y a pas de. Bah, même s'ils font ça, même s'ils font ça, je vois quoi pas. Non, problème. Si c'est un groupe de reprises, bah c'est un groupe de reprises. Et bah oui, et si c'est un groupe de reprises, bah dans ce cas-là, tu les fous. Au metalcore. Oui, mais comme tu dis, bah c'est en fin de soirée. C'est des gros noms qu'il y a dedans, donc ils les mettent en main stage, quoi. Ouais, mais du coup, oui, mais je trouve pas ça justifié. Il y a quoi comme mode groupe de reprise qui existe qui soit aussi, on va dire, connu de avec les noms du groupe, je veux dire. C'est quoi leur intérêt de faire ça en fait? Il frappe. Excuse-moi, je crois. Bien. Ouais, non, si c'est vrai, mais pas vraiment. Non, c'est vrai. C'est presque ça. Non, mais en vrai, il y a quoi comme très très grand groupe de reprise? Parce qu'en fait, c'est le concept d'un groupe de reprise, c'est que c'est pas censé. Je veux dire, imagine, c'est comme si demain il y avait un groupe de reprise qui est plus connu que le. Là, en l'occurrence, ils sont peut-être plus connus. Enfin, ils sont peut-être plus populaires que les groupes dont ils reprennent les chansons. Parce qu'il y a Johnny Depp. Et ça, je trouve que ça pose un problème, moi. Que des gens connaissent Hollywood Vampire, mais pas les chansons d'Alice Cooper, moi, ça peut me faire tiquer. Et le fait que ça passe en main stage ou Hellfest, c'est un problème. Pour moi. Moi, je comprends ton point de vue. Je suis assez d'accord, d'ailleurs. Je suis assez d'accord avec toi aussi, le mec qui n'a aucune personnalité. Je suis d'accord dans le fait que, voilà, mais je suis plus d'accord avec toi dans le alors, faut fait que te dire que... Alice faut que Cooper... te dise les noms, parce que tu fais des gestes. Je fais gauche-droite. D'accord. Voilà. Donc, tu es d'accord, vas-y, avec Joe, quand il dit que c'est un groupe de reprise et que c'est bien, ils ont raison de s'éclater. Voilà, qu'ils ont raison de s'éclater, qu'ils font ce qu'ils veulent. Moi, perco, j'irai pas les voir. Parce que je trouve ça sans intérêt. Et je suis d'accord avec toi, Jack, dans le principe, quoi, c'est Alice Cooper qui reprend ses propres morceaux avec d'autres icônes. Donc, l'intérêt, il est où plutôt que d'inviter vraiment Alice Cooper avec son groupe. Tu vois, imagine le truc que j'aurais trouvé. Je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire, quoi. Bah, voilà, mais à partir de là, s'ils ont un album à défendre, je raviserai mon avis. Mais ça, c'est un truc auquel, justement, j'attends. J'aimerais entendre un vrai groupe, un vrai album, voilà. du vrai contenu. Le fait de faire... En fait, moi, je vois que le juste problème, c'est que c'est le fait qu'il passe en main stage. Bah, c'est juste ça. Parce qu'en fait, comme vous dites, il n'y a pas forcément d'intérêt. Bah, justement, on s'en fout, il n'y a rien à dire là-dessus. S'ils vont venir, on est là pour célébrer la musique. Oui, mais là, ils célèbrent pas la musique, là, vieux groupe. Là, ils ont un passe-droit. Il n'y a pas que des. Non, mais là, ils ont un passe-droit. Ils ont un passe-droit de leur nom. Tu vois, imagine le truc aurait été stylé. T'as Aerosmith qui joue, Alice Cooper qui joue, et d'un seul coup, il y a Hollywood Vampire qui est le troisième soir. Là, il y aurait une espèce de cohérence en disant ils se retrouvent pour refaire un concert ensemble. Ce qu'ils ont fait en 2012 avec Chaos. Voilà ce que tu m'avais dit. Voilà. Toi, là, ça serait cohérent. Toi, ça serait plus sympa. C'est que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Ce qu'on aurait aimé, excuse-moi, ce qu'on aurait aimé avec Killer Be Killed. Voilà, ça, ça aurait été vraiment kill. Mastodon, qui est Cavalera Conspiracy, par exemple. Mars Volta, pourquoi pas aussi. Et qui se retrouve. Ah non, c'est plus le batteur d'ailleurs de Mars Volta. Il a quitté. Ouais. Ah merde. Ouais, avec un désaccord. Ah bah maintenant, c'est l'ancien. Ah, putain, je sais plus. Ouais, j'ai vu l'info. Mais je t'en dirai ça. Moi, je comprends qu'on peut avoir envie, c'est de les voir. Ça, c'est juste que je pense que Johnny Depp, parce qu'en fait, ça va être lui, c'était lui la grosse tête d'affiche. Je pense qu'il est assez talentueux pour faire mieux que ça. Et se contenter de ça, ça me semble un petit peu trop faiblard. Et que c'est aussi pour ça qu'il est invité, parce que c'est Johnny Depp et qu'il ramène des foules. Moi, j'ai quand même vu, vite fait aussi sur Facebook, quelqu'un, il disait, putain, il y a Hollywood Vampire, ça sert à quoi de faire venir Johnny Depp? Il y a quelqu'un qui a dit, c'est quoi le problème avec Johnny Depp? Mais pourquoi il dit ça? J'ai cliqué sur son nom, et en fait, toute sa page, c'est Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp, Johnny Depp, partout. Je vais, ah d'accord, ok. Je veux dire, là, on est en train de... Ça part. Et moi, ce qui me déplaît, c'est que dans les 13 premiers groupes annoncés, il y était. Le groupe n'est pas aussi important que ça. Tu le connaissais, toi, le groupe, avant? T'avais écouté avant de voir ça? Non. C'est voilà, vrai que ça. C'est pas le groupe, tu vas dire oh putain, ils sont là! Wow, tu vois, génial! Tous les autres groupes, tu les connaissais ou pas? Je l'avais écouté, mais pas. Sans savoir, sans tilter que c'était eux, voilà. Parce que c'était un groupe de reprise et qu'ils avaient pas forcément. Et de base, en plus, je trouve que faire un album de reprise, quand t'es pas un groupe. En fait, que les groupes connus qui existent depuis longtemps fassent un album de reprise, ça a une certaine cohérence parce que c'est une espèce de dommage. Là, le groupe lui-même est un groupe de reprise et fait des albums. Ça fait un petit peu. Un peu facile, je trouve. J'ai pas peur de dire ce que je pense. Il n'y a pas de réelle création, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, ouais. Et que du coup, l'intérêt, il est un peu. C'est fade. Bah, les musicos qui ont envie de jouer ensemble, il y en a plein, on a tous envie en tant que musicos de jouer. On commence forcément par des reprises, on se lance rarement dans. On va composer le direct de la musique. On commence toujours un peu par une reprise ou deux, histoire de se mettre dedans. Et c'est cool parce que t'as pas de pression, en fait. Ah oui. Alors, regarde, on peut parler de création alors que c'est un groupe de reprise. Dans ce cas-là, ils créent un groupe. Ils ont créé un groupe. Il y a un groupe, tu peux acheter des juste t-shirts. Hollywood Vampire, juste parce que, en fait, ça, j'ai cru lire, je sais plus où, que c'était en gros le nom d'un bar où toutes les stars dont il fait la reprise se rejoignaient dans ce bar-là, faire des grosses bavures. Mais ils ont quand même des logos, ils ont quand même un design. Il fallait bien faire quelque chose. Ah, non, pas forcément, si t'es pas obligé, si tu prends pas ça au sérieux. Quand tu commences à vendre des t-shirts avec le logo de ton groupe, c'est que t'existes, non? C'est que t'as vraiment quelque chose à défendre. Ils ont une identité. En plus, franchement, Hollywood Vampire, je trouve que c'est un nom qui est stylé. Et avec chacun leur univers un peu dark et tout, ils arriveraient à faire quelque chose de bien. Et s'ils sortent un album d'ici là, je serai le premier à aller l'écouter parce que je serais très curieux. Pour l'instant, je trouve juste que c'est pas mérité d'arriver directement au main stage. Tu te rends compte? Il y a un album là. Oui, de reprise. Je n'achèterai jamais ça, mais par contre, je suis content d'aller. Mais c'est un album de reprise. Ouais. C'est. Ça me semble un peu facile, quoi. Franchement, ça serait. C'est encore... pas un super groupe dans le sens où ils créent, comme. Après, Johnny Depp, je ne sais pas trop, mais la plupart des icônes qui sont dans Hollywood Vampire font partie d'un groupe à la base. Donc c'est normal de se retrouver... Donc quand on dit qu'un super groupe, en général, il crée... Enfin, moi, tous les super groupes que j'ai vus et que je connais vaguement, ils créent, ils reprennent pas, ils font pas de la reprise, quoi. Donc après, voilà, l'idée... Ce que je disais, je suis d'accord avec toi dans l'idée de reprise. Joe. Non, mais je crois qu'on se prend trop le chou parce qu'il y a Johnny Depp dedans et que, voilà... Non, c'est le principe en lui-même. C'est, je pense que c'est pas parce qu'il y a Johnny Depp. Je pense que ce qui a fait... qu'il soit en main stage aussi et que ce soit genre ouais, c'est super important, c'est Johnny Depp. Et forcément de ce côté là c'est nouveau, tu vois, il y a le côté il y a ce côté là parce que Alice Cooper elle est venue deux ou trois fois je crois, après Aerosmith sont venus aussi deux ou trois fois, donc après voilà, je pense qu'ils ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix de les mettre en main stage par rapport à la foule qui s'est ramassée. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que c'était utile dans la deuxième annonce, deuxième ou troisième annonce, direct dans les 13 premiers groupes? Je crois que c'était la deuxième. Ah oui. Tu vois, Ça veut dire que c'est comme un des groupes sur lequel voilà. C'est un groupe sur lequel il compte. C'est con, ça a bouffé une place. Bah c'est ça. Mais comparé à un et vrai groupe. Et si tu regardes sur l'affiche, le nom il est en haut, hein. Il est pas en bas. Donc il le compte comme une des grosses têtes d'affiche. Et c'est ça le problème, je trouve. C'est pas vraiment le fait qu'il y a Johnny Depp, quoi. C'est non, non, mais je suis d'accord. Bah oui, mais c'est pour ça. Quand ils ont leur place en main stage, tu te rends compte que par exemple, les groupes qui vont jouer le matin, ça va être des groupes qui vont être techniquement moins importants que ce groupe. Alors que c'est des vrais groupes. Voilà, moi en fait qu'ils le fassent, ça me dérange pas, c'est juste que d'un seul coup les projecteurs qu'on leur met sur eux, c'est un peu fort dans ce cas-là. Ça bouffe la place pour d'autres, quoi. Mais ils ont leur place à un certain niveau, contrairement à d'autres choses dont on va absolument parler tout à l'heure, mais pour l'instant oui, ils ont leur place, mais peut-être pas aussi haut et pas aussi rapidement annoncé. Voilà, ça je suis d'accord par contre. Voilà. Et c'est vachement bien de débattre. Moi je trouve ça très bien. Donc toi t'aimes bien, si t'as l'occasion t'iras les voir. J'aime bien. Ce que t'as écouté. Ouais, je vais être content d'écouter des chansons dont les artistes ne seront pas là, ils seront joués par d'accord. D'autres. Okay. Et d'autres qui sont vraiment à un niveau. L'avantage, c'est que School Out, qui sera là, le artiste. Ouais, ils sont juste après Avenged Sevenfold. Tu vois ? Donc en termes de taille. Maiden, Judas Priest, Avenged Sevenfold, Hollywood Vampire. Quatrième. Et après, t'as Deftones. Quoi. Tu vois ? Marilyn Manson, Alice in Chains. Moi, c'est ça qui me pose problème. Je peux comprendre. Mais pourtant, la taille des... On l'a expliqué l'année dernière, la taille est importante. Hein. Ouais. Donc, moi, c'est ça que je trouve pas d'accord. Et ça, pour le coup, c'est Johnny Depp. Ça, c'est... Ouais. Donc, voilà. Merci. J'aime avoir raison. Alors, donc, c'est un groupe que tu iras voir, on l'a dit, toi. Et donc, petite question aussi que j'aimerais bien poser cette année, que je fais. Ou pas. Oui, mais enfin, si t'as l'occasion. Le revirement. Le doute plane. C'est un groupe qu'on va voir en main stage, j'ai marqué. Ok, très bien. Bob. Yarwall. Par quel groupe veux-tu commencer à nous parler ? Oh bah merde, j'étais dessus tout à l'heure. De ce que j'avais à écouter ? Oui. Sperm Bird. Ah bah vas-y. C'est un groupe de punk. C'est vrai, j'ai écouté. T'as écouté ? Ouais. Moi j'ai écouté tout. C'est sympathique. T'as bien aimé ? J'ai bien aimé, c'est un groupe de punk. Français ? Non, c'est. Je pense que c'est pas allemand, je crois. Ouais, ça, j'ai pas été aussi loin. Je crois que c'est allemand. Mais je suis d'accord, c'est assez énergique, ça marche bien. Ouais. Assurément de la Warzone. Sur un certain. Je pense, je dirais une Warzone de 11h. C'est ce que je pense aussi. Une petite Warzone de 11h. Parce que c'est pas la grosse prod ni rien. C'est bien. Mais ça passe bien. Ouais. C'est un punk festif. Ouais. Pas dans le sens ska, mais. Ouais. Cool, quoi. À la cool. Et est-ce que ça t'a donné envie d'y aller les voir ? Parce qu'il faut bien parler la France. Si je suis dans le coin, oui. Pourquoi mais, pas. Mais sinon. Sinon, je me précipiterai pas pour dire Ah, y'a Sperm Bird. Tu vas peut-être prendre ta place, toi, alors. Je sais pas. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. D'accord. Je ne peux rien dire. Pas grand. Pas autre chose à dire. Tu dois pas le dire. Important. Et il va me péter les jambes aussi. Et je suis très fort au niveau du pétage de jambes. Alors, je vais parler, moi, de Grave Pleasure. Qui sont les plaisirs graves. Bah, t'as surtout écouté tout à l'heure, en fait. Je vais écouter. Oui, mais j'ai écouté aussi en amont. Bon, t'as pas reconnu. Parce que j'ai écouté qu'une fois, je connaissais pas avant. Donc, groupe finlandais. C'est désagréable. Et plus précisément d'Helsinki, groupe de gothic rock et de death rock. Le death rock intègre des éléments d'horreur et c'est un mouvement venant du punk rock. C'est ce que je t'ai fait écouter tout à l'heure qui ressemblait à du Billy Idol. Eh ben voilà. Eh ben comme ça, on est bien Tintin. Donc, clairement. Donc, c'est un. Moi, j'ai écouté le dernier album, Mother Blood, qui est de cette année. C'est un groupe actif depuis 2010, ils ont 3 albums. Tu devrais présenter la météo sur M6, toi, sérieux. Alors, donc en haut, ils ont 3 albums et un EP. Donc en fait, le problème, c'est que ça m'a vraiment trop fait penser à du Billy Idol. Ça me fait penser à la musique des années 80, de groupes comme ça, un peu dans ce style. Le côté horrifique, enfin le... Je l'ai pas ressenti pour le coup, ouais. Le côté horrifique, machin. Donc je suppose que c'est peut-être dans les paroles, dans les trucs d'ambiance, mais ça m'a vraiment fait penser à du Billy Idol. Moi, j'avais l'impression d'entendre ça dans ma tête, et comme Billy Idol, c'est pas que je suis pas fan, c'est que j'écoute pas tous les jours, voilà. Parce que parce que des fois j'écoute d'autres choses. Par contre, je trouve que c'est très réussi dans le style, mais juste c'est pas pour moi. Voilà, c'est pas mon délire. Puis je trouve ça un peu bizarre qu'en 2017 il y a encore un peu genre ce style de musique. Pourtant, il y a peut-être une place à prendre. Peut-être. Donc voilà, moi ça m'a pas plus branché que ça. Je vois pas du tout en plus où ils vont jouer ces cons-là, donc peut-être bah, tard ou temps, s'ils font du death rock. Ah ouais. Peut-être, mais et je pense pas aller les voir. Et toi, ce que t'en as pensé quoi, toi, Bob? Bah, je crois que je me suis resté un petit peu pente ou à cette écoute. Après, j'ai pas tilté plus que ça. Peut-être que j'irai écouter un peu plus. Voilà. Mais non, ça m'a pas marqué plus que ça. T'as pas écouté, toi, John? À part tout à l'heure, le peu que t'as entendu, t'as trouvé ça comment? T'as déjà zappé? Tu me l'as fait écouter 30 secondes. Bah, 30 secondes, t'es large, hein? Voilà. On en fait plein des trucs en 30 secondes. Hein. Ouais, on fait des enfants. Exactement. On peut quasiment en faire deux. Alors. Voir quatre. Donc, pas d'avis sur Grave Plaisir? Non. Et bah, je ne te conseillerais même pas d'aller voir. Parce que je te vois pas écouter du Billy Idol. Joe, un autre groupe? Ouais. Alors, HO 9909. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, je sais pas si c'est un O ou un 0 le deuxième. Je dirais que c'est un O. Parce que tu vois, le 0 ouais, de 9909, ouais, c'est un 0. Barré, c'est un 0 barré ou c'est un. Je pense que c'est HO. D'accord. Ouais. Alors, HO 9909. Qu'est-ce que écoute, au début, ça me bottait pas plus que ça. Comme quand j'ai écouté Body Count. Mm-hmm. Sauf que Body Count, bon, définitivement, ça me plaît pas. D'accord. J'ai pas accroché du tout. Moi, j'aurais tendance à dire d'écouter finalement, la bon après, je crois qu'ils ont fait, ils ont que deux albums, je crois. Ce qui est bien déjà. Ouais. Contrairement. Bon, j'ai écouté à peu près une heure. Ouais. Et finalement, ça m'a bien plu. C'est un groupe de hip-hop. Ils classent ça dans hip-hop industriel, à base de punk, hardcore. Donc c'est. Pour moi, c'est. Le mélange est super bien fait. Je trouve que sur scène ça va pas mal envoyer. T'as pas été voir quelque chose? C'est pas ça qui est pas un peu aurore? Non? Je me trompe? Un peu quoi? Je sais pas, moi j'ai vu à chaque fois entre parenthèses aurore. C'est pas des mecs qui se sapent un peu chelou et. J'ai pas vu ça, ah bon? J'ai pas vu ça non plus. Parce que je trouvais. Enfin, j'ai trouvé ça assez chelou, justement. Ah bah c'est parce qu'attends, ils ont marqué... C'est un black qui chante. Deux blacks, ouais. C'est United State of Horror. Et les mecs, ils s'habillent en robe de mariée, ils sont un peu complètement destroy. Apparemment, c'est un super show. Hein. Ouais. Donc après, visuellement, je pense que... Bah c'est un ensemble. Que ça, de ce que j'ai écouté, mais... de ce que j'en ai vu vite fait, quelques vidéos... Je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Enfin, moi, ça a l'air assez déjanté. Je pense que je vais aller voir. Musicalement, j'ai pas accroché. Quoi. Bah, moi j'ai écouté, j'ai pas du tout accroché non plus. En fait, je me suis vraiment demandé, j'ai trouvé ça beaucoup plus hip-hop que hip-hop metal. Ouais, bah moi plus hip-hop aussi. Ouais. Bah, tu vois, moi je suis réussi à trouver cet équilibre. J'ai trouvé ça bien fait. Ouais, mais tu crois qu'ils ont leur place en Warzone vraiment? Ouais, parce que je vois pas où ils iraient. Un créneau horaire d'autre. Pour aider nos auditeurs. Ouais. Est-ce que tu le recommandes? Soir, peut-être. Déjà, toi, t'irais bien les voir, toi? Je pense pas, non, le soir. Non, pas le soir. Pas le soir. Non. Bah, non, mais sans le soir, c'est les têtes d'affiche. Ouais, mais justement, quoi. Vu qu'il y a un côté un peu aurore, machin, truc, je me dis qu'avec un jeu de lumière, ouais, voilà. Juste pour ça, mais... S'ils font pas le soir, je serais un peu déçu, moi. Non, mais dans l'esprit, parce que j'ai vu quelques lives, et mecs sont complètement déjantés. Si Frank Carter est passé un après-midi. Ouais, enfin. C'est ça. Ouais. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Enfin, là, les mecs sont déguisés, quoi. Enfin, je dirais, ils sont déguisés, ou je sais pas comment, voilà. Mais ils se savent, je te dis, le chanteur, je l'ai vu en robe de mariée, quoi. D'accord, moi, ça me... Ouais, bah écoute, moi, ce qui est marrant, c'est parce qu'en fait, ce que j'ai écouté m'a tellement pas plu que j'ai pas beaucoup... T'as pas approfondi le truc? Non, j'ai pas approfondi. Moi, j'ai plus regardé des lives, en fait. Ouais. Sur... YouTube. Sur YouTube. Bah, par contre, du coup, toi... Moi, j'ai écouté la totalité de ce qu'ils ont fait. Ah ouais? Et, bah, tu vois, c'est pour ça que j'ai fini par accrocher. Alors, attends, déjà, je suis impressionné, t'as vraiment bossé, alors? Parce que t'as vraiment... En même temps, il fait un numéro par an. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est bien. Non, c'est... Non, putain, moi, je sais bien mentir. Ouais, c'est vrai. Et, ouais, du coup, est-ce que tu le recommanderais? Bah, pour le coup, ouais. Oh, la façon de dire, fais gaffe parce que je suis poursuivi. Bah, pour le coup, oui, parce que bah, tu vois, moi je. sur la première écoute, tu vois, on est... Bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne croira si on vous dit qu'elle a sauté toute seule. Alors, elle est vivante. Bon, on dit rien. On dira, les gens nous croiront pas. Non. Oublie pas. Non, mais tu vois, coup de bluff, je le sens bien. Il dit rien. Il dit rien, il n'ose pas, il est timide. Joe, n'hésite pas, demande. Il y a un brassin d'avance, tu sais. C'est à disposition. Ouais, bah écoute, moi, du coup, ce que j'écoutais m'a pas plu, mais j'ai... Parce qu'il peut vraiment se passer des choses, tu vois. J'ai approfondir. J'ai approfondir parce que... Par contre, est-ce que, du coup... Ce que t'as écouté, ça t'a plu, mais est-ce que tu trouves que ça a sa place au Hellfest? Parce que je trouve que c'est une question qui devient... Cette année, je trouve que c'est une question qui se pose. Ça, ouais, ça c'est clair, je suis assez d'accord. Mais tu vois, j'étais pas du tout ces groupes-là, quoi. Bah oui, non mais... C'est pour ça que ma première écoute était... Oh non, putain, j'ai écouté Body Count et... Tu t'es forcé à écouter et t'as apprécié, quoi. Bah au final, ouais. Non mais ça, c'est... Je pense que déjà, tant en mieux. Plus, sur la première chanson, je suis pas tombé... Ouais mais... Pas forcément sur est-ce que tu... la bonne... Est-ce que tu trouves quand même que ça a sa place? Ou est-ce que non, c'est mieux, parce que je m'attendais pas du tout à... parce que, ou est-ce que ce serait mieux dans un festival un peu plus large comme Beauregard ou Arras ou donc c'est, en fait parce que moi c'est vraiment ça le problème que j'ai cette année, c'est plus les groupes qu'on va voir ou pas, donc enfin attention, moi je compare par rapport aux affiches passées, mais toutes les affiches passées, tu regardes les affiches passées et tu regardes celle-là, voilà. Bah, ça, c'est comme tu vois quand j'ai vu Limp Bizkit, c'est pareil, j'ai dit oh non ça je dirais pas les écouter. Ah bon non plus, hein. Mais il m'a traîné dans là-bas, hein, Jack. J'ai écouté, je suis ah non, et puis là, je tombe sur ce groupe-là. De quoi? Arrêtez, les biscuits, il y a des trucs tout à fait écoutables, vous êtes durs. Je tombe sur ce groupe et je suis bien, c'est le troisième. Exactement, ouais. Mais non, mais ça, attends, oh, ça groove. Ah bah ouais. Bah, attention, et puis... Alors j'aime bien le gratteux, moi, c'est vrai que pour le gratteux, je suis pas déçu d'avoir vu les 3 ou 4 morceaux qu'on a regardés. Il envoie quand même. Mais j'aime bien son look, j'aime bien son esprit. C'est comme Professeur Fresh, tu vois. Ah, ça m'a pas du tout plu de les voir. Ah bah non, bah oui, non, mais je sais, j'étais avec toi, donc... Et ben là, tu vois, c'était... Je voulais dire, c'est presque un des seuls groupes... Ouais, mais Professeur Fresh a plus sa place, quand même. Je veux dire... Professeur Fresh... C'est Against the Machine, quand même. Et là, c'est vrai qu'il y en a, plus. Et non, je trouve pas qu'il... Et du coup, avant le podcast, t'avais une petite théorie, Bob, sur la venue de HO9909. Toi, tu t'es carrément demandé si c'était pas... Ouais, bah une demande de Body Count. Des genres des potes ou des trucs comme ça. C'est pas, puis, faudrait voir, c'est possible, pourquoi pas. Je sais pas, après... Après, pour Body Count, ça aurait été l'occasion. Écoute, l'avant-dernier album, il est bien métal, franchement. Et ça m'a surpris parce que moi, le dernier m'a pas transcendé du tout, alors que voilà. Mais j'ai trouvé l'avant-dernier très sympa, vraiment. Et dans le dernier, il y a quand même une reprise de Slayer, hein, quand même. Ouais, avec 5 minutes d'intro avant où le mec il explique pourquoi il joue ça. Bon, bref. C'est ce que j'étais en train de me demander. Du coup, donc, tu recommandes machin. Bob, yeah. Quel autre groupe? Il va falloir y passer un moment, Bob. Oh là, attends. Oranzi Pazuzu. Oh, j'écoute aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Oranzi Pazuzu. Je crois que j'ai trouvé ce groupe très étrange. Mm-hmm. J'ai pas accroché. C'est pas du tout ma came. Le nom m'intriguait. La musique m'intrigue aussi. Mais je suis pas trop dans l'intrigue. Je suis pas fan de polar. Tout, ça. Tout ce qui est thriller. Ouais, les thrillers, tout réfléchir ça. Réfléchir à David Fincher, machin. Non, ça me parle pas. Moi. Non. Non, j'ai pas accroché. C'est quoi comme style un peu? Parce que t'en parles très très bien, mais mal. Putain, j'en sais rien. Oh, j'arrive pas à me souvenir. J'en sais rien. Je te dis, j'ai écouté. Alors, si je me rappelle bien, j'ai dû voir un clip ou deux. Enfin, j'ai commencé à regarder les clips. Et je crois qu'ils font des trucs assez bizarres dans la forêt où ils mettent la tête sous l'eau, où ils font des dîners avec un monsieur qui est tout seul. Je suis convaincu, je vais aller me renseigner. Avec un monsieur qui est tout seul à une table dans une forêt. Des gens qui font des choses un peu bizarres dans une forêt. C'est très... D'accord. Et musicalement, alors je ne pourrais pas décrire ce que c'est. Bah, nature et découverte, je pense. Voilà. Parce que là, c'est comme... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est histoire naturelle. Ah, bah, on y est presque. Bah oui, complètement. Alors, c'est quasiment ça. Ouais. Et donc... C'est un black metal psychédélique finlandais. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à... Ouais, bah oui. Ah, ils sont déjà venus au Hellfest. Oui, je crois. Alors, quelle année, je pourrais pas te dire. Je sais pas non plus, mais de ce que je vois, ils sont souvent programmés au Rodburn, et ils sont venus au Hellfest et au Fall of Summer. Voilà. Voilà. Ben écoute, j'ai écouté, mais je m'en souviens pas, donc j'irai réécouter. Ben moi, pareil, malheureusement. Toi, ben, allez écouter, Oransi, pas Oransi, de Zouzou. Pas de Zouzou, ouais. Toi, ça te... Joe, tu connais je pas. Je vais écouter, non. Très bien. Ça ne... Est-ce que ça t'a donné envie, cette chronique un petit peu... Hein, nature et découverte. Bah, de me replonger dans les groupes, ouais. Hein, ah, ouais. Est-ce que ça t'a envie de donner envie d'aller faire un tour en forêt et de faire du black metal, ouais, chaise, ouais. Et de faire du black metal psychédélique. Voilà, en mettant la tête sous l'eau. J'aime pas les tiques en forêt, parce qu'il paraît qu'il y en a plein. Ouais, c'est vrai. Quand même. Ça, c'est un peu la merde. Comme les arcs-en-ciel. Et ouais. Ça, c'est deux fléaux, hein, de notre société moderne. Pareil. Je trouve qu'on ne parle pas assez. Oui. Ah, ça me... je pourrais pousser un coup de gueule, mais pas. Moi, j'avais Ackercock. Pardon ? Ouais, Ackercock, qui est un groupe de blacknet death metal, donc ce qui mélange le black et le death metal, un peu à l'image de Belphegor, Behemoth et Marduk. Mais c'est aussi donc un black and death metal progressif. Groupe britannique, originaire de Londres. Ils sont actifs depuis 1997, ils ont publié 7 albums. Mais à cause de la nature antichrétienne de leur musique, ils ont eu des problèmes en 2007 à la sortie de leur album Antichrist. Alors, moi j'ai écouté Renaissance in Extremis, qui est un album qui est de cette année. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que j'écoute, parce que ça me l'a fait à chaque fois, musicalement j'adore. Et dès que j'entends la voix du chanteur, mais je décroche totalement. Mais totalement. Il y a une... Ah, tu vois ce que je ressens certaines fois. Mais j'ai pas dit que je te comprenais pas, j'ai dit que des fois ça passait. Oui, mais. Mais non, mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Oui, mais... Bon, en tout cas, voilà, ceux qui aiment bien le style, je pense, seront pas déçus, parce que musicalement, c'est vraiment excellent. Il y a vraiment des intros où j'étais dedans, et je dis, putain, c'est cool, c'est bien, et le mec commence à chanter, et je fais, waouh. Parce que c'est plus une voix def que black, mais avec des entre-deux presque parler-chanter bizarre, quoi. Ouais. Ouais, donc il y a des moments vraiment où je dis, oh là là... Ouais. Ah ouais, disons, carrément. Pourquoi, quoi. Tu balances, toi. Non, mais j'ai vraiment des fois envie que le mec il arrête, quoi. Oui. Donc, bon. Je comprends. Je pense que ça sera du côté de. Obscur de la force. J'irai du temple. Mmh. Un petit midi 15. Oh, allez, je. T'annonces ? J'annonce midi 15. C'est con, on devrait noter. Pour voir ? Bah ouais. Bah je peux le faire. Alors, attends, bah, moi j'ai dit quoi ? Alors, je vais dire. J'ai dit temple, midi 15. Ok, temple midi 15. On retourne sur les autres, vous vous en souvenez ou pas? Spermbirds, on avait dit bah Warzone forcément. Spermbirds. Un petit 11h. Warzone, ouais. 11h. Warzone, 11h. 11h, 11h30. Hein. Oransi Pazuzu Oransi Pazuzu, je verrais bien ça en Temple. Temple. J'aime bien dire Temple. Moi. Temple, oui, pardon. Dans mes Temple, c'est bon. Et je verrais ça vers un 18h. 18h, oh, c'est tard. Couché. Bah non, Joe sera couché. Non, c'est une pause que je fais à ce moment-là. Alors attends, grave plaisir, j'avais dit quoi? Alors peut-être Altar, je dirais. Je suis pas sûr. Et je dirais aller 15h. Vraiment pour piffer. Donc HO9909, tu dirais quoi, Joe? Bon, bah, allez, je pensais dans l'après-midi, mais je veux dire. Non, mais quelle scène déjà? Warzone. Oui, d'accord. Warzone. Pour conclure. Ah bon, la soirée, ouais. 2h enfin, ouais. Non, 1h. On lance des paris alors. D'accord. Okay. Bah non, mais c'est courageux. Ah, c'est ça qui nous manque. Carrément. Ah. Et Hollywood Empire Je verrais ça à 7h30 du mat. Moi. Un groupe de reprise de merde. Ah, il m'a poussé. Ah, il m'a cherché. Bah, écoute, attends, c'est normal. Alors, quelle heure? Ces cons-là, ils vont bien jouer pour conclure. Ah ouais. Ah, je sais pas. Je les verrais bien en. On mettait le corner. Ah bah là j'y vais là. Bah là j'ai fait le cohérent. Bah ouais. Non, allez, je dis un 23h. C'est possible. Juste avant Manson. C'est-à-dire qu'il y aura un autre groupe sur la main stage. Autre. Et après il y aura Manson. Un truc comme ça. Ah, tu lances carrément un autre pari toi. Ah non, sur mais moi je suis un déglingo. Attends, c'est bon, j'ai bu une bière, moi c'est bon. Bon. Ok, donc, on a fait quoi? Deux groupes chacun. Alors, Joe. Ah, j'avais 9. Oula. Ouais, nine. C'est ce que j'ai fait. Référence. Ma première écoute, ouais. C'était oula, aussi. Ah bah oui, ça envoie du lourd. Ouais, carrément, tu vois, c'est le mot ça. C'est du lourd. C'est du brutal death metal américain. Tu t'es pas trompé avec Nails, hein? Non. D'accord. Okay. Non. À base d'ambiance égyptienne. Oh, putain, j'ai pas fait gaffe à ça, moi, peut-être, ouais. Bah ouais, tu le sens. Ouais, on me sûrement sent. J'ai pas. J'ai moins écouté tes groupes à toi, normalement. Ouais, clairement, j'ai poussé l'écoute longtemps. Ouais. Mais c'est pas. T'étais au volume 7 ou 8? C'était une blague parce que, comme il a dit, qu'il avait poussé l'écoute. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, c'est de toi. Mais tu vois, c'est encore une blague à laquelle ouais, j'ai compris. Tu vois, j'allais pas prendre. J'allais c'est m'éteindre pour ça que je et j'allais penser aux couches. Est-ce que j'ai bien pensé en acheter? Et donc, pardon, excuse-moi, il faut que j'arrête de te couper, vas-y. Ouais, mais c'est comme à chaque fois, hein, à l'écoute comme ça, dans le casque, non. Je me dis, putain, j'irai pas aller voir. Et puis en fait, je dis rien parce qu'en fait, sur place. Ah oui, non, ouais, d'accord. J'étais donc surpris d'avoir autant été à Altar ou Temple, tu vois. C'est pareil. Et je pense que, bah, du coup, ils vont passer là-bas, quoi. Il y a ça, t'as raison. Ça joue, ouais, c'est vrai. Il y a l'écoute et il y a aussi le fait de s'imaginer directement devant le groupe. Et en fait, de se dire. Est-ce que j'irai, ouais, est-ce que peut-être de les voir sur scène, ça pourrait le faire? Bah en fait, ce qui se passe aussi, c'est que des fois on passe devant, on dit, putain, ça je connais. Et du coup, tu jettes un œil, en fait, ouais. Et tu regardes. Alors que beaucoup moins quand tu connais pas, en fait. Ouais. En fait, quand tu connais pas, tu t'arrêtes musicalement, mais quand tu connais, t'as dit, ah bah tiens, c'est vrai que j'avais vu. Parce que moi, je me suis retrouvé à avoir plein de groupes que je voulais pas voir cette année. Donc, mais que tu connaissais. Cause du podcast, genre quand j'avais été voir. Faut que ça tabasse Tabernacle, je voulais pas aller voir. Et pourtant j'y suis allé. Tu passais devant, t'as eu de la lumière. Non, j'y suis allé volontairement. Ah, oui, carrément. Mais ouais, parce qu'en fait, ça tombait pile poil à un moment donné entre deux trucs. C'est toi que j'ai vu te flageller avec des ronces, non? C'est moi. Et je peux, ça fait pas si mal en fait. Ouais. Donc bref, donc Nile, t'en dirais quoi d'autre? En fait, ça tabasse, t'as pas trop aimé, mais pourquoi pas? Ça tabasse Tabernacle. Ouais, pourquoi pas. C'est ça. Parce que c'est pas. Si tu passes devant, c'est pas de la merde du tout. Quoi. C'est juste que. Le mec est quand même beaucoup plus ouvert que nous, hein, je trouve. Totalement, que... ouais. T'es la caution ouverture du podcast. C'est bien. Il en faut. Faut que tu reviennes plus souvent. Parce que nous, ouais, c'est clair, parce que nous, on est fermés. Hein. Mais non, c'est. Hey, c'est des compliments. Hein. C'est des compliments. Alors, tu dirais quelle scène? Altar. Ouais, Altar, oui. Ah, pardon. Carrément, Altar. Brutal, ça aurait pu passer à Warzone. Hein. Non, je déconne. Quelle heure? Je dirais. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, allez, 16h. Ouais, d'accord. Nile! Non, t'y crois pas là quand tu dis ça là. Non. Moi, je dis un petit. Non, j'y crois pas. Non, moi, j'y crois un 19h30, 20h. Moi, ouais, ouais, je dirais ça aussi. Parce que Nile, c'est quand même un groupe. C'est connu. Hein. Ouais, c'est connu. C'est répété. Mais tu vois, je peux pas me dire. Exact. Allez, passer à cette heure-là parce que. Ah, c'est un groupe. Mais non, mais t'as raison, en même temps, c'est des petites parties amusantes. Voilà, 16h, j'ai pas fait. On est là pour se détendre, on passe un moment, c'est la dernière de l'année, je vous rappelle. Putain, mais c'est vrai, grave. C'est... Alors, c'est à toi, Bob. Alors, moi, j'étais aussi curieux de Helicopter, parce que la typo disait, mais j'étais persuadé que c'était un groupe de. De Psychobilly ou un truc comme ça. J'ai pas regardé justement les typos style Matine ou Batman ou Batmobile ou ce genre de groupe. Et en fait, pas du tout. Ouais, j'ai écouté aussi. Ouais. Et c'est. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du rock Pour moi, j'ai trouvé ça fade. Oh putain, j'ai trouvé ça pas bien non plus, mais. J'ai trouvé ça fadasse, comme. En fait, chiant. Un peu dans l'esprit de Grave Pleasure, en fait, des années passées, en fait. C'était il y a longtemps. Oui, voilà. C'était parce que c'était un peu. C'est genre un revival des années qu'on a oubliées. C'est ça. Mais ça m'a pas plu. Non, t'as écouté beaucoup? J'ai dû écouter 4-5 morceaux. C'est énorme pour toi. Non, mais... Oh, t'inquiète, c'est pas, je t'emmène à la campagne, moi, mon ami. Parce qu'on aime bien pique-niquer. Tout à fait. Avec les Napa Caro Vichy. Hein, les petits couverts en plastique. Les petits paniers en osier. Et les sandwichs avec le pain frais du matin. Tout à fait. Un petit peu de pâté. Et le jambon avec la couenne. On enlève comme ça en disant, ah non, j'aime pas la couenne. Une petite bouteille de roule. Voilà. Oh, joli. Ouais. Merci. C'est le fils caché de comment du québécois. Là. Courte manche. Ah, courte manche. Tu connais mon père. C'est cool. Parce que moi, pas. Donc... Papa, faut que ça envoie du bois, tabarnak. Ah bah oui. Ah, mais tout est lié. Tu vois. Donc alors, tu n'iras pas les voir. Bah, par curiosité, je pense que non. C'est bien, parce qu'il ne faut pas trop pousser la curiosité. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu nous dirais comme horaire et comme... Comme scène. Ouais. Putain, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. S'il y avait une cave à la rigueur... Ouais, on main stage, hein. Main stage de midi, ou un truc comme ça. Et l'hélicoptère. M'étonnerait. Moi, je verrais plutôt un valet... Oh bah, un oui. Valet sur oui. Les coups de... Oui, non, tu as raison. Je préfère, mais je, oui. Ouais, sur les coups de 14h, peut-être. Bah, ça, par contre, c'est vrai qu'on n'aime pas, mais c'est un groupe connu, quand même. Donc, bah, il paraîtrait-il. Bah oui, parce que comme toi, je connaissais bien la typo. Et je crois même me souvenir qu'ils sont dans un Guitar Hero. Parce qu'il y a une chanson que j'ai reconnue. Et que je... Sérieux? Et je me suis dit, putain, je l'ai jouée, celle-là. Je crois que j'ai fait un 100%. En plus bah, d'accord. Moi, de mon côté, j'avais aussi Feed de Reno. Et j'ai pas regardé la traduction. Tu l'as senti comment? Ben, non, pas Phil, Feed. Ah, pardon. Oui. Ah oui. Groupe de metalcore de Maidstone au Royaume-Uni, actif depuis 2010. 3 albums. Moi, j'ai écouté le dernier, qui date de 2014, de Sorrow on the Sound. Et j'ai bien aimé. C'est du bon metalcore, efficace, énergique, ça... Ça envoie ça bien. Ça fait du bien d'avoir du positif. Ouais, non, j'ai trouvé ça très très agréable. Ah, quand écouter. Même, enfin du positif. Mmh, ouais, mais ça m'a pas du tout donné envie de les voir pour autant. Oh, mais. Ouais, non, vraiment. Voilà, en fait, voilà, tu vois, c'est. Non, mais en fait, c'est comme, à force d'écouter, comme j'avais écouté d'autres groupes pas très bien. Parce que moi, ça va descendre aussi. Ah, en fait, le problème, c'est que les deux autres groupes étaient tellement. Enfin, m'ont tellement moins plu. Tu vois, j'ai fait putain, ouais, c'est cool, c'est sympa. Ah oui, d'accord. Toi, j'ai bien carrément. Aimé, ouais, j'ai bien aimé, mais j'ai pas merde. Eu. J'ai essayé de poursuivre un peu plus l'écoute et ça n'a pas été plus loin en fait. Parce que maintenant, quand je réécoute que ça, je fais ouais, bah c'est juste bien. Tu vois. Donc c'est bien, mais je n'irai pas. J'ai pas spécialement envie de les voir. Ah bah tu vois, oh, putain. Ah, alors, j'étais content, il y avait du positif. Non, mais c'est positif, c'est positif. C'est positif. Je dirais ouais, Warzone. C'est positif. Parce qu'il y a du plus négatif derrière. Eh ben, c'est déjà du positif. Hein. C'est vrai ce que tu dis. Attends. Imagine une année de 2018 de merde, t'arrives à 2019, elle est vachement bien cette année. Ah bon? Ouais, comparé à 2018, elle est vachement bien. C'est pas une référence, ouais, mais ça marche. En même temps, si t'es le 1er janvier, forcément. Eh ben, écoute, tu peux rien. En tout cas, et feed de Rhino, moi je marque feed. Je l'ai répété deux fois. Donc, je dirais un petit Warzone, Metalcore. Forcément. 19h. Oh non, quand même, attends. Non, non, non. Attends, t'es où là? Je te vois. Ah pas. Non, non, non, attends, ça c'est un truc de bâtard, ça peut. C'est peut-être pas Warzone. Hein. Non, je suis perturbé. Mais qu'est-ce que t'as? Désolé, là. T'en as à Wars là. T'en as à Wars. Ça peut être un petit Medstead du matin. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, il y a eu des groupes de metalcore cette année. Mmh, Cette année, moi je dors. Souvent le matin, on est plus sur du punk et tout. Je dirais un main stage 11h. Oh là, là tu lances gros quand même. Oh, mais j'en ai rien à faire. Mais, moi je suis dans la queue du merch à ce soir-là. Oui, c'est vrai que toi. T'es en plein soleil. En plein cagnard. T'es en plein cagnard, tu mérites de mûrir. Très très bien. Donc. Ah, pardon, tout à l'heure, hélicoptère, tu le conseilles ou pas aux gens? Je le conseille aux gens. Qui aiment bien les hélicoptères. Oh la vache. Oh, tu. Je le conseille aux gens. Mais pas trop. Ouais. Et encore. Mais pas. Oh, dis donc. Ouais. Ah bah comme tu veux. Non, bah c'est bien. Moi ça me va. Ouais. Moi, Feed de Rhino, je vous le conseille quand même. Je t'ai dit une oreille. Ouais. Voilà. Une seule. Hein, parce ouais, que bah ouais, ouais. Après, je vais garder l'autre tout, pour la bonne musique. C'est ça. Joe, on t'écoute. Alors. Moi j'avais écouté Eskimo Callboy. Bah attends, je fais une petite parenthèse, je t'ai pas demandé non plus pour Nile, est-ce que tu le conseilles? Ouais. Oui, donc tu n'as pas aimé, mais tu conseilles, je ne te comprends pas. D'accord, vas-y. Est-ce que t'as dit que t'aimais pas trop? C'est parce que c'est un enfoiré, c'est pour ça. Ouais, mais. Oui, mais t'as aimé le peut-être, donc voilà. Non, mais musicalement, c'est juste pas mes goûts, c'est tout. C'est vrai. Mais voilà. Ah ouais, mais moi quand c'est pas mes goûts, je. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, mais. Bah, oui, c'est de la merde. D'ailleurs, tout ce que je dis, et vous n'êtes pas d'accord, bah, vous êtes des cons. Pareil. Donc, Eskimo Callboy. Je ne conseille pas. Ah bon, t'as pas aimé? Pas du tout. Ah, qu'est-ce que c'est donc? Du metalcore, electronicore, post-hardcore, easycore. D'accord. D'accord. Vois, hein, moi aussi, ça m'a calmé, ça. D'accord, c'est bien. Oui, bah, c'est un genre. Ah ouais. C'est pathétique. Ouais. Tout à fait. Et donc, on va jouer du d'accord. On va jouer du d'accord. C'est D-A-core. Ouais. Bah. Hey, c'est vraiment, c'est ça me plaît, moi j'aime bien. Ah, c'est, ah, enfin, c'est ce groupe là où je te disais putain, ça part bien, et puis tout d'un coup tout se casse la gueule. C'est ça me rappelle un peu ma vie. Non, moi c'est le contraire. Moi, si tu veux, je te montre, je peux te montrer une photo, et puis ça va te causer tout de suite. Pardon. Et tout part bien après. Non, pour l'instant, voilà. Bah, j'attends, je suis patient, T'es optimiste. Bah, oui, je suis encore là. Ça fait 36 ans. Ouais, voilà. Oh merde. Voilà. Oh non. Alors du coup, je sais pas où je mettrais. C'est les Kids United. Ouais. Oh, mais du métal. Alors, je les verrais bien aux Kékettes électriques. Je sais pas si ça existe. Non, il y a les foufouilles électriques. Attends, tu vois, mais ce que tu m'as montré là, je mets un plus parce que je veux aller voir. Du coup, je vais me renseigner. Oh mercredi, qu'est-ce que c'était que ça? Et du coup, tu les vois dans la Warzone? Tu vois, ça te permet de douter encore plus. Je ne sais pas. Parce que le oui, à 8h30. Je ne sais pas. Toi, tu les vois où, toi? Je sais pas. Putain, en main stage, moi, je les vois. Bah, ouais, si, grave. C'est ce que je me dis. Main stage. Mais oui, le matin, en main stage, il y a plusieurs de trucs différents. Donc, je pense que matin, moi, je les vois bien. Un dimanche à 16. Ah ouais, grave. Au goûter. Ouais, au goûter. 16h30. 16h30 ouais. 16h30 en main stage. Avec 16h30 dimanche. C'est ça. Ou samedi après-midi. Oui, non, mais après mais pas le jour. Ça serait compliqué, déjà. 16h30. Très bien. On est d'accord, si c'est un 16h, c'est quand même validé. On n'est pas des bâtards. Mais c'est dommage, tu vois. Il y a des chansons, ça part super bien. Ouais. J'ai trouvé ça dommage, tu vois. Déjà, il y a une voix qui va pas du tout. Je pense que c'est ça qui écroule tout. Mais sinon, il y a une bonne base. D'accord. Est-ce qu'il y a un Callboy, c'est ça? Allez, écoutez. Ouais. Bah ouais, j'ai écouté, mais je m'en souviens pas. Alors, attends, j'ai écouté tellement. Moi, j'ai fait un petit papier, en fait, de tout ce que j'ai écouté. Ouais. En fait, j'ai noté tous les groupes. Du bas de l'affiche, hein, forcément. Donc, Warzone et Valet. Sauf les gros. J'ai noté que les petits. Et en face, tout ce que je notais, les styles, pour me rappeler, c'est comme une espèce de mémoire, quoi, un truc de mémoire. Et en fait, j'en suis à peu près un bon gros deux tiers de... Du bas ou de du bas. Ah d'accord. Du bas, ouais, donc c'est déjà pas mal, parce que j'ai fait en très peu de temps, quoi. Et ouais, il y a... Enfin, on en reparlera. Ouais, on en reparlera. D'accord. Est-ce que tu conseilles pas, du coup, t'as dit très très bien. Bah, je vais l'écouter quand même. Bah, moi aussi, maintenant, je vois. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai écouté longtemps en plus. Ouais. Parce que à chaque fois, je me dis, c'est bien là. Il y a peut-être les autres chansons, à mon avis, c'est mieux. Celle-là est pas bien. Ouais, non. Et ça repart bien, et puis tout d'un coup, non. Il y a des... Non, mais c'est. Faut aller voir. Prochain groupe, Bob. Dit-il, l'air dépité. Non, mais oui, moi, la photo m'intrigue trop, là. Faut voir. La photo m'a intrigué, je veux voir. Oh, je ne sais pas. Alors, les groupes de Bob. J'ai pas regardé quel âge ils avaient. Ah bah... Bah là, comme ça, à vue de nez, je dirais 14 ans. 13 ans, 14 ans. Je vais regarder. J'ai rien contre ça, hein. C'est pas le problème, hein. Il y a des icônes. J'aime bien comme tu te justifies d'un truc dont tout le monde te fout. Non, je pense que les gens aiment savoir et sont contents de savoir. Allemand. Ou sont ils sont actifs depuis 10 010. Vache. Ouais. Ah, tu vois loin dans le futur. Mais grave. Voilà. Ce mec est impressionnant. Exactement. Bah oui. Hey. Ah oui, tu nous as alors. Moi j'ai écouté le seul groupe qui. qui passait à peu près dans tout ça. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ah, tu dois le savoir. Bon, oui. Alors dis-moi. Tremonti? Ah, dis donc. Bah oui. Oh, je suis con, j'aurais dû dire Plémo, putain. J'ai raté une blague, merde. T'es paysaille, tout ça. Ouais. Tremonti, donc. C'est le ouais, ça, c'est le seul groupe en fait que de tout ce que j'ai écouté. Ah ouais. Parce que j'en ai encore. Ouais. Oh, j'en ai un que j'ai pas trouvé. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je le ferai pour la prochaine fois. Mm-hmm. Ouais, donc très Monty, j'ai trouvé une bonne énergie. Ah. Est-ce que tu peux rappeler qui est Marc Tremonti? Marc Tremonti est le guitariste de Alter Bridge aussi. Et anciennement de Creed. Je l'ai vu. Alors ça, j'ai pas vu. Et Apollo Oui, Apollo Creed. D'accord. Ouais, là, le groupe de boxeurs qui. Pourquoi tu dis. Mais j'en sais rien, moi, tu me lances sur un truc, je tente. Tu sais, c'est pas comme si on était enregistré, c'est que. Ouais, voilà, c'est ça, on s'en fout. Ah, c'est pas très grave. Donc, du coup, t'as bien aimé? T'as écouté combien de chansons? Regardé combien de clips? À peu près 120 de chaque. Pas du tout écouté en fait. Ah, c'est ça. non, j'ai écouté 3 morceaux, je crois. Mm. Mais du coup, c'est vraiment le seul truc qui est ressorti, on va dire, positif de mes écoutes. Oui. Voilà. Du coup, tu le verrais où Est-ce que tu le recommandes Oui. Très bien. Ouais. À écouter, enfin, à découvrir. Ouais. Je vous demande pas d'aimer. Parce mais au moins découvrez-le. Ah, soyez un peu ouvert quand même. Lui, faites un petit peu d'effort. Je veux dire, c'est bon, ça vous coûte quoi au final, les gars? Bah, c'est ça, merde. Et tu penses qu'on pourrait le découvrir où? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et tu vois, au moins, cette édition du Hellfest, on va pouvoir beaucoup boire. On va pouvoir beaucoup oublier. Ouais. Et on va dormir tard le matin. C'est le pire argument que j'ai jamais entendu. Mais attends, on s'en fout de l'affiche. Cette année, on boit. C'est clair. Moi, j'ai payé 200 balles pour aller me torcher la gueule à Clisson. Alors que je pourrais me dépenser 200 balles ici. Et voilà. Même pas, parce qu'avec beaucoup moins, je pourrais me torcher ici. D'ailleurs, c'est mon anniversaire, les gars. Non, c'est celui de Bob, il a dit tout à l'heure. Ouais, je t'ai dit. Tu vas pas me voler la vedette, sérieux. Bref. Faites quoi, moi, je vais à Clisson. Faites mon anniversaire. Tu vas faire comment? Le 23 juin. Ça tombe le 23 juin? Ouais. Putain, les boules, cool! Et c'est ton anniversaire le 23 juin? Ouais, vous faites quoi? Vous putain, bon anniversaire! Bah, tu nous invites! Si tu nous invites, c'est cool! Ah bah attends, ouais, carrément! Bah faut que tu regardes sur The Pass, voir s'il y a pas. Billet, de... alors. Hein? Bah grave, ouais! Ah bah tu peux en prendre deux si aussi! Bah ouais! C'est sympa, hein! Bah attends, je viens avec des potes, moi! Je vais venir avec Génome! Ouais! Moi aussi! Bah écoute, de toute façon, on est 200 000 à peu près déjà. Non, mais t'as pas oublié, 200 000. On est 300 000. Bah oui. À moins de 500, c'est pas amusant. C'est clair. Donc, Tremonti. Tchetché ou la mort. Tremonti. Bah moi, j'ai trouvé ça Tremonti. T'as écouté des trucs? Non, vraiment, ouais, j'ai écouté 3 morceaux, mais après, je peux pas te dire ce que j'ai écouté. Non, en fait, j'ai attendu de savoir ça passe où. Parce que t'as déjà dit tout ça. Non, j'ai pas dit que j'avais écouté 3 morceaux. Si. Je savais plus trop. Mais maintenant, je me rappelle, j'ai écouté 3 morceaux. Est-ce que tu te rappelles que tu l'as dit que t'as écouté 3 morceaux? Quand ça? Hier. Ouais. On était jeudi. C'est ça. Le 21. C'était mon anniversaire. C'était ton anniversaire hier. Bon anniversaire moi-même. Mais oui, là on a le droit. Ouais. Merci. Ah, oh, ça me fait plaisir. Ah bah écoute. Tiens, un boulon. Ouais, sympa. Ah, c'est gentil. Dégâts celui-là. Je l'avais pas en plus celui-là, dis donc. Bah alors, t'en avais qui est quasiment pareil. Ouais, c'est tout. Quasiment c'est pareil. Sympathique. Bon, on est comme ça. Hein. Et il sent en plus encore. Hein. Tu l'as mis où? Il sort d'où, c'est surtout. Bon ça. Alors, il passe où? Très montif, je les verrais bien. Bonne question. J'attends. Je peux taper, je suis prêt. Je les verrais bien, Tremonti. Hey, bonne question, putain la vache. Je verrais une Warzone. Non, pas une Warzone. Non. Un main stage. Ouais, moi aussi. Un main stage. Alors, l'heure par contre. Alors, ça c'est bâtard parce que je peux te donner un indice. Alter Bridge était passé aux alentours de midi, 1h. Il était passé après Ultra Vomit dans mon souvenir. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Donc, du coup, Tremonti est moins gros. Mais, ils étaient passés... Oh là là! Tremonti est passé il y a 2 ans. Ils avaient été décalés. Ils étaient passés à 1h du matin sous la vallée. Mais pour... c'était le dernier concert. Ouais, je m'en souviens. Ouais, je devais être... Mais là, c'est gros. Pas... En fait, ils ont été à la vallée parce qu'il devait y avoir plus que ça en place, je crois. Ah, sympa. Mais dans le temps, c'est une très bonne scène. Oui, oui, donc... Ah, là, je ne sais pas. Pour l'heure, tu te débrouilles, mon gars, là. Pour l'heure, je verrai bien 15h. Moi, j'aurais dit 18h. Très, très bien. Donc, 4 groupes, il en reste 2. Donc... Non, mais là, j'ai aucune conviction sur tout ça. Quoi. Mais c'est pas grave. Donc, moi, j'ai écouté Cro-Mags, groupe de punk hardcore et crossover trash américain de New York. Qui existe depuis 84. Et quand j'ai écouté, je pensais pas du tout. Ils ont à son actif, leur actif, pardon, 7 albums, et c'est le premier groupe à mélanger punk et heavy metal. J'ai pas trouvé, c'est hyper apparemment marqué sur un album, mais je l'ai pas trouvé, donc moi j'ai écouté leur dernier album, et j'ai oublié de le marquer. Donc je sais plus. Cool. Ouais, mais je l'ai écouté. Plusieurs fois, c'est très très sympa, c'est du punk. Toi, un peu comme la même critique que tu as fait tout à l'heure sur Spermbird. C'est du bon punk, très très agréable. J'ai pas trop vu le côté heavy metal, mais j'ai trouvé ça très sympa. Assurément un groupe du matin. Mmh. En Warzone. Mais je pourrais aller les voir. Je recommande ce groupe. Moi, je vous le conseille. C'est très sympa. Voilà, donc je dirais... C'est ça qui est bien avec le punk, justement. Warzone. 10h. Les mecs sont là dès le matin. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. J'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est bien, c'est efficace, ça fait le taf. Ça m'a pas révolutionné, mais c'est agréable à écouter. C'est la voix punk énervée, arrachée à moitié. Mais normal, quoi. Pas comme ouais. Moi qui fais de la merde. Voilà, je vous recommande, les gars. Joe, j'ai écouté Neurosis. Hey. Alors, si je peux me permettre, c'est un bon mélange quand même. Bah, ce qui est marrant avec ce groupe, moi, c'est que je pensais que c'était totalement autre chose. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, c'est bizarre ce groupe, c'est quoi? Et quand j'ai vu le nom, en fait, j'ai été surpris. Je connaissais de nom, ouais. Et mon esprit avait fait un amalgame. Ouais. Un lien. Donc, je pensais que c'était plus étrange. Du black metal complètement black et pas du tout en fait. Moi, j'ai bien aimé. Je t'en prie, reprends. J'ai bien aimé. J'ai longtemps écouté. Et à chaque fois, surpris à toutes mes écoutes. Tu vois, ça change un petit peu, mais pas trop. C'est, j'aime bien le mélange des genres. Mm-hmm. Tu vois, là, ils mettent post-metal, metal expérimental, sludge metal, doom metal, post-hardcore, punk hardcore. Tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et même si punk hardcore un peu moins, mais pour tout le reste, ouais, je suis d'accord. Ah, donc là, bah, sûrement ça va être la merde pour la scène. Punk hardcore, tu vois, je vois bien des fois dans certains riffs. Ouais, j'ai peut-être pas autant écouté. Musicalement, toi, c'est ce que j'ai bien aimé, tu vois. Il ouais. Y a un ensemble qui est bien foutu. Donc un groupe qui t'a plu. Ouais. Que tu potentiellement iras voir. Je pense, ouais. Donc tu le recommandes. Ouais, par contre, alors là, où classer celui-là? Non, quand t'as un but comme ça, faut piffer un altar. En bah, tu vois, non, j'allais dire tant. Moi, j'aurais dit Neurosis. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que je l'aurais vu en Valais, moi. Ça se peut. Putain, ça fait deux fois que tu dis Valais au bon moment, je trouve que ça m'énerve un peu. Ouais, c'est possible. Ouais. T'as écouté un peu Neurosis tu... Mais je connais vaguement, mais la description que tu m'en as faite, moi je verrais plutôt ça en Valais. Mais... Bah, ça se pourrait bien, mais non, tu vois, moi j'aurais dit Temple. Il peut mettre. Je restais sur Temple. Ouais, quelle heure? Allez, 22h. Il y a vraiment mis n'importe quoi au hasard. Allez, 22h. Wow, qu'est-ce qui t'arrive? C'est un nouveau téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain. C'est quoi donc? Désolé, j'ai pas encore eu le temps de tout gérer sur mon téléphone. C'est France Info. D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une info très importante qui vient de se passer. Ouais, apparemment. Johnny ouais. Hallyday est décédé. Oh merde! Non, c'était une fausse. Non, je déconne. Non, on a retrouvé apparemment les chaussettes de l'archiduchesse. Me dis pas, me spoil pas si elles sont sèches ou pas sèches. Bah, c'est ouais. Pour ça que j'ai rien dit. Hein. D'accord, très bien. Ouh. Ils ont un deuxième groupe en fait, ils ont fait un projet Neurosis. Ah oui? Ouais. Tous les membres? Tous les membres. Et, comme c'est Tribe déjà of Neurot. Tu vois ça? Bah, c'est déjà mieux qu'Hollywood Empire. Dans lequel ils jouent que des morceaux instrumentaux. Ah, tu vois, ça c'est bien. Voilà, c'est très bien. Merci pour cette précision, j'apprécie beaucoup. Bob. Yeah. Il te reste deux groupes, dont un que t'as pas écouté. Non. Donc, Carnivore. Tu n'as pas écouté Carnivore, donc ça sera pour la prochaine fois, tu l'as dit. Tout à fait. Tu es puni. Mais c'est comme ça, mec. Alors, dernier groupe. Ah bah, mon préféré. Ah. On finit par le meilleur. Exactement, et ça, ça me fait plaisir. Parce que tu sais, j'avais un peu peur que... que je n'aime pas. Oh bah... Eh oui, si vous ne vous souvenez pas de mon tirage au sort, ou du tirage au sort, je ne sais plus qui a tiré. C'est toi ? Ouais, c'est moi, celui-là. Non, ça va. Non, ça va. Ouais. je sais pas, j'arrive pas à le dire. Allez, faut y aller. C'est comme un sparadrap. Ouais, c'est ça, faut l'enlever vite. Plémo. Ah ! Et alors, qu'as-tu écouté de Plémo ? Je ne sais plus. J'ai écouté peut-être 30 secondes, une minute d'un morceau. T'es doux ? Ouais. Oh le bâtard. Et donc, alors, ton avis ? C'est de la merde. Je ne supporte pas ce genre de musique. Mais alors, c'est voilà, ça me sort par les orbites de la tête. Quoi. Donc, bien sûr, tu le recommandes. Totalement. Totalement, hein, bah, je le recommande à mon pire ennemi. Voilà, par exemple, hein, aux latrines, ou latrine. Tu devrais y aller quand même, ils annoncent un grand retour. Un grand retour, ouais, parce qu'ils vont être 36 sur scène, c'est pour ça. Ils sont 8, 6. Okay. C'est déjà beaucoup de trop. Bah, ça fait beaucoup de gens pour. Beaucoup de gens à éliminer. Ouais, c'est ça. Non, bon. Je supporte pas, j'arrive pas. Plémo, c'est non. De ce que je peux en dire, parce que j'ai écouté forcément une époque, c'est pendant un moment, j'avais les boules parce que c'était un des groupes que j'avais le plus vu en concert, parce qu'ils étaient en première partie de tous les groupes que j'allais voir. Donc ça me faisait un peu suer. Ça fait mal. Ouais, sauf que par contre, ils assurent vraiment sur scène en fait. Ils ont une vraie énergie et tout ça. Et que... Ouais, mais moi, c'est musicalement et tout ça. Quoi. Ouais, mais tu sais, pour les avoir vus en première partie de Slipknot, leur rôle c'était de chauffer la foule. Ils ont bien chauffé la foule. Hein. Donc ah mais c'était... je dis pas qu'ils font pas le taf. Ah mais ils le font. Je ne critique pas, mais non, moi non. J'aime pas. Ça me ressort par la... ah, par tous les orifices de mon petit corps. Quoi. Et ça, c'est pas beau. Et toi, Joe, un avis sur Plémo ? Pas vraiment. Bah, voilà, tu vois. C'est son meilleur avis, je pense. Depuis le début de la soirée, c'est pas ça. Vraiment. Ça me paraît vrai. Très bien. Donc tu ne recommandes pas. Honnête, hein. Tu le verrais en quel. Je sais pas, au Zénith de Lille. Je veux bien le marquer, mais t'as perdu d'avance. là, franchement, Plémo, j'en sais rien. Non, mais ils sont en main stage. Bah, oui, bah, c'est ça. Ouais, oui, moi, je suis en train de repenser à l'affiche. Donc, oui, main stage, mais alors l'heure. Je les verrai bien à 13h. Hein, ils peuvent être plus haut, moi j'irais. Ouais, moi j'aurais dit 18h. Moi. J'en ai rien à foutre. Alors, j'ai. Bon, regarde, tu changes d'avis, tu changes pas d'avis, qu'est-ce que tu. J'ai écouté Carpenter Brut et je vous ai fait écouter Carpenter Brut. Et je non, mais j'ai déjà écouté. Je t'avais déjà. Voilà. Ouais. En fait, mes messages étaient très marrants. Je disais, tiens, c'est marrant, tu disais que tu voulais écouter, je suis surpris. Ouais. Et du coup, non, mais en fait, c'est parce que le nom. Le nom te disait quelque chose. Ouais. Bah, voilà. Non, ça m'intriguait en fait. C'est pas que ça me disait quelque chose, c'est que le nom m'intrigue. Carpenter Brut. Bah, pour moi, c'est. C'est intrigue. Non, pas du tout, c'est bon. C'est moi, j'ai marqué l'arnaque de l'édition 2018 en attendant mieux. En attendant mieux. Bah, si jamais il y a une pire arnaque encore derrière. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, donc Carpenter Brut est le nom d'artiste de Frank Huesco. Ah, c'est lui. C'est lui, mais parce qu'on se demandait tous, mais en fait, c'est lui. Artiste de la musique électronique. Artiste carrément. Oh là là. Son style est principalement du synthwave. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que le synthwave ? Bah, c'est un mélange de Sindou et de. d'une marque de surf, non ? Putain, mais comment t'as deviné ? Bah. Non, mais c'est j'ai ça. J'ai des amis au Mans. Hein. Alors, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est le style influencé par la musique et les films des années 80. Et je trouve que c'est exactement ça en fait. Bah, carrément. Et c'est une figure majeure du Dark Synth. Du Dark Synth Wave. Non, du Dark Synth. Genre s'inspirant de sonorités sombres du métal et de musique de films d'horreur. Et bah là, par contre, j'ai pas du tout vu. Je suis plus d'accord avec la première théorie des années 80, machin, mes couilles. Mais pas l'autre. Je veux dire, les influences métal. Ah non, bah non. Bah non, je sais pas. Bah si, ouais, enfin, je vois bien ça en BO de films vampires. Ouais, mais en visuel machin. Alors, mais musicalement. Non, mais à la fin, tu vois, comme Rob Zombie, il a fait pas mal de BO aussi de films des années 90, avec Manson, tout ça, quoi. Ouais, non, mais voilà. Il a participé à différents festivals de musique comme le Printemps de Bourges, d'accord. Terra Incognita, d'accord. Le Motocultor. Ça se trouve, c'est pour ça que le nom me disait quelque chose. Peut-être. Donc moi, j'ai écouté Trilogy, qui est une compilation de ses trois précédents EP, à savoir EP1, EP2, EP3. EPS aussi. C'est dur, ça fait mal au mollet. Oui. Putain, deux bonnes vannes. Deux très bonnes vannes. Ouais. C'est de l'électro typique de... C'est pas pour moi, c'est pour personne, ça m'intéresse pas, ça m'a ennuyé... J'ai même regardé un live hein, pour aller voir vite fait et je comprends pas ce que ça fait au Hellfest. Il y a un guitariste, si, apparemment le guitariste et le batteur, parce qu'il y a deux musicaux, sont des membres d'un groupe de métal, mais j'ai même pas essayé de savoir plus loin. Ça ne me plaît pas, ça n'a rien à foutre au Hellfest. Je ne le recommande pas. Et à toi, mec, qui a dit sur un des groupes que tu voulais aller, c'était le concert que tu as dans l'aide plus, je te souhaite la pire des choses. Écouter du Playmo jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. Ou un bon herpès buccal. Non, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui lui a radonné, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'avait déjà. Donc c'est pas forcément... Ouais, mais ça se transmet. Bah justement. De père en fils. Ah, c'est... Ou d'oncle en filleul. Voilà. Voilà, c'était pas tu bien. Tu mettras explicite hein, sur le... Ah, mercredi, j'ai pas envie, c'est chiant. Oh, puis non, on verra. Donc voilà. C'est le dernier, de toute façon, on s'en fout. Voilà, je ne le conseille pas, ne l'écoutez pas, ce n'est pas bien, et dégagez-moi ça de ce groupe-là, de Duel Fest. Merci. Vous auriez invité aussi cool, alors ailleurs, ça aurait été aussi bien. Quoi. Oh putain, j'avais pas pensé à ça. Tu écouteras aussi cool. D'accord. Voilà. Et tu y vas où, du coup? Ah. Ben, si on part du principe que Perturbator était en Temple à 1h du matin, je dirais la même chose. Pas de risque. Mais personnellement, je les verrais plus dehors sur l'autoroute. Ah, j'ai pas aimé. Hein. Ouais, voilà. Ah, pareil. Ce que j'ai écouté, je... En fait, le truc, c'est que musicalement, tu vois que ça correspond à un style et que même visuellement, c'est efficace comme truc, ça marche. Mais ouais, mais qu'ils fassent de la BO de film. Quoi, voilà, qu'ils aillent faire leur truc ailleurs. Qu'ils viennent pas faire des concerts. Exactement. On est à un festival de musique extrême, qu'on aime la musique extrême ou pas, mais on est à un festival de musique extrême. Voilà. Et ça, c'était pas extrême. C'était ça. Le premier truc d'ailleurs, hein. Extreme Music for Extreme People. Hein. Voilà. C'était voilà, sur les bracelets hein, à l'époque. Non, mais en fait, j'ai l'impression que plus ça va, et c'est ce qui m'embête avec cette affiche, c'est que ça rejoint le côté ce que tu dis, le public n'est plus le même, et donc du coup, j'ai l'impression qu'il s'adapte au public. Totalement. Ça m'embête. Plutôt que justement que ce soit le public qui. Voilà, enfin, je sais pas. Ah mais arrête un peu, tu t'énerves encore. Non, je ne m'énerve pas, ça me tend. Ça m'escagasse. Ah oui. Je suis escagasse. Joe, ton last group. What for ten. Tonight. Ouais, mais tu vois, je l'ai pas écouté en fait. Attends, redis parce que comme j'ai fait tonight, personne n'a entendu. Watain. Watain. Je dis Watain. Moi, je dis Watain. Watain. Bon, et donc Black Metal suédois. Et en fait, je l'ai pas écouté, je me souvenais plus tout à l'heure, mais j'ai écouté 30 secondes. Est-ce que c'était en fait, 30 bandes secondes? Bah en fait j'étais au boulot et tu vois je bossais et tout d'un coup je mets lecture et là j'ai fait waouh, oh, j'écouterai plus tard. Et ce plus tard n'est jamais venu. Ouais. Est-ce que tu le recommandes du coup parce que... Bah au black metaleux ouais. Ouais. Le mec a pas de race. Bah oui, ceux qui aiment bien ça je le recommande. Voilà. Bon, tu verras, est-ce que tu vas essayer d'écouter quand même? Ouais mais je peux... Je vais réécouter. Parce que du coup, je ne l'ai pas fait. Déjà. Donc il faut que je le fasse. Bah donc tu vas c'est écouter. Carnivore. Ok. Mais je pense pas que ça soit mon truc. Très bien. Ils sont en interview dans le Rock Hard de ce mois-ci. Et c'est pour ceux qui l'ont en visuel, ils sont habillés un peu comme des guerriers avec un peu du sang sur la gueule. Ils ont un visuel très fort et c'est souvent un groupe considéré un peu comme très en colère. Moi, de ce que j'ai écouté, par contre, j'ai été surpris. Noir et blanc. Maquillage noir et blanc avec des glaives, tout ça, non? Alors peut-être des glaives, noir et blanc, j'ai pas le souvenir. Non. Mais le truc que moi j'ai écouté, il y avait des moments où bah, c'était un peu... non, plutôt comme ça en fait. Plutôt comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, oh là, oui, ils ont l'air très en colère. Ils sont très en colère. Je te dis... Mais non, mais moi ce que j'ai écouté, quand même à un moment donné, il y a limite une balade. Hein. Donc c'est pas tant en colère que ça musicalement. Je veux dire, c'était, moi j'ai trouvé ça très écoutable. Pas, c'est pas ma cam, mais j'ai trouvé ça écoutable. Pas, c'est pareil, ça... Moi, j'aime bien les voir, tu vois, à la limite, sur scène, parce que c'est pareil, c'est un ensemble visuel aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, le problème, c'est que sur CD, ça passe moins bien ce côté-là, visuel. Ah, j'aurais bien aimé voir Tourizas pour l'année dernière. C'est vrai, ah, ouais, bah, t'as loupé quelque chose, ouais. Ah là là. Très très bien. Bah donc, on passe pas à ton dernier... Tu me tiens bien, hein. Tu me tiens très bien. On passe pas à ton dernier groupe, vu que t'as pas écouté. Je sais pas le dire. Temple? Non. Oui, là là, Temple, très bien. Ouais, quelle heure? T'as vu comment il fait pas son taf? Je suis désolé, je m'excuse. Temple, quelle heure? Gros groupe, hein, Vatine, attention. Hein. 23h. Ça marche. Je valide. Donc Carnivore ID, t'as pas écouté? Bah non, j'écouterai. Voilà. Donc tu l'as pour la semaine prochaine. Enfin, non. Est-ce que la semaine prochaine, il n'y en a pas? La semaine d'après non plus. Bah non. La semaine d'après après non plus. Bah, 3 semaines ? 4 semaines. Il n'y a plus de semaines après, les gars. Bah jusqu'au mois de juin, en fait. Hein. Oh putain, bah on aurait dû prévoir un peu plus lourd quand même. Parce que là, du coup, c'est un peu léger. Très bien, dernier groupe pour moi, Europe. Le final countdown de cette édition. C'est facile. Hein. Oh, ouais. Ah, elle est facile, elle est facile. Groupe de rock suédois originaire de Upstand Väsby à Stockholm. Le groupe compte 11 albums studio, plein de live, plein de compilations, plein de best-of et Final Countdown. Quelqu'un... Et une chevelure. Chevelante. Tout le monde connaît cette chanson, tout le monde l'a entendue des milliards de fois, tout le monde... Non, bref, tout le monde connaît. Vas-y. Non, j'arrive plus. C'était bien parti. Ouais, je sais, mais c'est bien de s'arrêter plein dans les langues comme ça, ça laisse un petit peu. Donc, après deux albums d'heavy metal, le groupe tente le hard FM avec leur troisième album, Final Countdown, et là, ils en ont vendu plus de 20 millions. Donc, quand même, ça calme. Comme toi, tu vois. Alors, on a beau se moquer de cette chanson, enfin, ça, maintenant, elle nous fait rire un petit peu comme un peu la chanson des années 80. Et bah, en tout Dimus Borgus, hein. Le groupe a quand même vendu plus de 80 millions d'albums en tout, de tout ce qu'ils ont fait. Ça prouve que les gens ont un Gucci. Non, après, faut savoir que j'ai pas écouté tous les autres albums. J'ai écouté les deux derniers sortis, principalement le dernier. C'est revenu à un truc heavy metal et beaucoup plus écoutable. Je suis pas très fan du dernier parce que je le trouve un peu mou. Par contre, l'avant-dernier est beaucoup plus sympa et le peu que j'ai entendu, en tout cas, de ces dernières moutures m'ont fait changer d'avis sur Europe, que j'avais quand même toujours catalogué comme le groupe de Final Countdown. Pour moi, c'était un groupe de... De Final Countdown. Ouais, non, mais de Hard FM dans ce dans plus pur style. Il n'y a rien qu'à voir la chanson de Cherokee que je vous ai fait écouter tout à l'heure, qui était complètement dans la même veine. Tu retrouves les mêmes sonorités, voire les mêmes un peu... T'as l'impression que ça va partir dans le même refrain et en fait, elle est un peu différente, mais... Sur 11 albums, je pense qu'il doit y avoir quand même des trucs très sympas à écouter et j'aurais tendance à essayer d'aller pousser un petit peu plus loin l'écoute de Europe. Du coup, j'irai pas dire je le recommande, mais j'irai vers ceux qui connaissent pas et qui se disent peut-être qu'ils pourraient changer d'avis. Les curieux. Non, mais c'est ceux qui ont que Final Countdown comme référence. Les aficionados. Je suis pas certain que d'avoir que cette chanson-là comme référence soit très juste, même pour le groupe. Ouais. Tu vois. Et moi, j'ai pas peur d'avoir un avis comme ça. Voilà, je le recommande. En main stage, vers 21h. Tu crois? Ouais. Je vois bien ça aussi. Main stage, 21h. Ouais. C'est plausible. Du coup, est-ce que vous avez d'autres groupes que vous avez écoutés, que vous avez envie de parler? Oh là là là. Parce que par exemple, toi, quand tu as dit que tu étais content de voir Accept, je mets Joe, quand tu m'as dit ça, enfin de voir qu'ils étaient programmés. Moi, je me suis rendu compte. Un tout petit peu. Et moi, je connaissais pas du tout. J'ai été écouté, c'est très sympa. J'ai bien aimé ce que j'ai écouté. Voilà. Et pour le reste, bah, je pense qu'on attendra les autres. Pour le coup, moi, j'ai réécouté. Un peu plus. Et t'as bien aimé ? Ouais. Très bien. Bob ? Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à. Bah, en fait, j'ai écouté plein de groupes. Très bien. Du bas de l'affiche. Est-ce qu'il y en a que tu veux nous citer ou pas ? Parce que sachant qu'on va peut-être en retirer d'autres au sort. Et oh tout, la pas. Vache ! Non, pas pour l'instant. Très bien. Je tiens à dire ça parce que... Ouais, ah si, j'ai écouté I Get Blood. Ah, aussi un peu. Ton groupe de la vie. Ouais, bah c'était moins pire, hein, ce que j'ai vu. J'ai vu un clip, c'était moins pire que ce dans mon souvenir. Ouais. Ça reste un peu... Alors attends, pour te dire... c'est ça que je cherchais tout à l'heure, parce que tu parlais du groupe d'ado. Pogo Car Crash Control. Enfin, je sais pas si vous avez écouté. Non. Il y a... Bah allez, voir. Regardez, il y a un clip aussi qui est... Bah, j'essaierai d'aller voir. Voilà. Je crois que je me suis arrêté à Warning, en fait, sur le bal d'affiche. D'accord, j'ai pas la fin. Et c'est là que je me suis dit non, c'est bon. C'est fini ? Écoutez Warning aussi. D'accord, alors attends, parce que je vais le noter, parce que je vais pas m'en souvenir. Donc, tu as dit... Pogo Car Crush Control et Warning. Alors, Pogo Car... Warning, c'est... Enfin, je crois que c'est un peu le... Un peu le même genre ? Non, c'est pas le même style musical, mais... Dans la même tranche d'âge ? Non. Non, même pas. Non, c'est l'opposé, en fait, parce que Warning, c'est un groupe qui a débuté dans les années 80, je crois. Et Pogo Car Crush Control... Pas une émission sur M6 ? Après Turbo ? Pédédédém ! Merci. Bon, alors ça fait quand même 1h50. Donc, je pense... C'est le dernier avant les vacances. C'est pour ça. Donc, je pense qu'on peut arrêter là si vous avez rien d'autre à ajouter. Messieurs. Dominique Chapat. Eh ben, si un énorme merci à toi, Joe, d'être revenu. N'hésite pas à revenir quand tu veux. Moi, plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te revoir, même si t'aimes bien Hollywood Vampire. Après tout, personne n'est parfait. C'est ça. En vrai, ça m'a fait vraiment plaisir que tu reviennes. Quelque part, tu nous manques. Tes petits. Bah, c'est ta même. Enfin, voilà. C'est un beau roman. C'est-tu. Dommage, parce que je reviendrai pas, quoi. Désolé, mais. Bah, je comprends. C'est un peu. Bah, ouais, c'est ça. Très bien. Parce qu'on est des cons. Mais ça me touche. Hein, parce que... si t'avais un cœur, ça serait quelque chose. C'est ça. En attendant, on vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année, bonnes vacances, des bons cadeaux pour ceux qui en ont. Mangez bien, buvez pas trop, ou alors que de la bière, parce que c'est la base. On se retrouve. Une petite coupette de champagne On vous aurait bien souhaité une bonne année, mais on est au moins deux autour de cette table, on n'en a rien à faire de la nouvelle année, donc on va pas. Nous, le jour de l'an, complètement. Ouais. Moi, je pense que certainement, je vais écouter Trust. Pour aller pisser ? Bah ouais. C'est un bon choix. Du coup, on revient normalement en janvier. Normalement. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, encore une fois, si vous voulez. Putain, personne n'aurait écouté jusque-là. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. C'est vrai qu'on aurait dû faire ça. Dès le début, ouais. S'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore, qu'on change, ou qu'on... Enfin, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Après tout, c'est les vacances, on a le temps d'y réfléchir un peu. Ouais. On fera le tirage au sort plus tard, parce que j'ai pas fini de préparer le truc. Donc, en même temps, comme il va pas tirer au sort, c'est pas très grave. Ben voilà. Ah. Tu veux tirer au sort, mais tu peux toujours bien en parler dans ce cas-là. Moi, je veux bien, mais t'es obligé de revenir. Ah, c'est toi qui dis. Ah. Ah, regarde, non. J'ai pas le droit. J'ai le droit de venir qu'une fois. Du coup, je pense que... Ah oui, alors... Mala in imem. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là ? Non. C'est l'autre. Code orange ? Non ! Alors c'est on vous aime. Et on vous emmerde. Et on laisse le mot de la fin à Joe. Fuck. Fuck. Putain, mais on a dit pas les animaux marins. C'est ça. T'as pas un autre mot ? Tablature. Ah ouais. Clé de sol. Par exemple. Clé de fa. Non, je l'aime pas. Ah, planche de horrible, propre plaquette. Non, mais ça fait trop long, ça. Non. On recommence. Et on laisse le mot de la fin à Joe. Par voir. Les choristes. Ah, peut-être, oui. Hellfest. Très bien. Ça fait deux mots. Hellfest. Ah, non, c'est en un mot. Oh, fou. Cette année est longue. C'est vrai. Cette année est très longue. Bon, allez, au revoir à tous. Ah non, fais-nous. Ah ouais, attendez. Allez. Bonsoir à tous. Allez, bonsoir. Non, tu n'y es pas. C'est pas naturel. Non, c'est pas du tout, on n'y croit pas. Ah, peut-être que tu. Le trilobite. Je vous ai pas parlé du trilobite. Mais non, finis-nous sur le trilobite. Quelle petite bête attachante. Pas de vanne, très bien. Non, des fois j'aime bien ne pas. Mais t'as bien raison, c'est mais ce qu'il faut. C'est tout à fait ça. Mais moi je suis entièrement d'accord. Il ressemble à des limules. Ouais. C'est le limules. Le limules ? Ouais, le limules. D'accord. Rampant sur le sable. Très bien. Les yeux dans l'eau. Le rêve était trop beau. L'été qui s'achève. Non, c'est pas ça. À la recherche de nourriture. Mesurant environ 10 cm. Eh, comme. Non, on avait dit qu'on ne parlait pas de ton. Il y a eu cependant. Pardon. Oh non! Tu comprends? Il y a eu cependant des géants qui atteignaient 70 cm. Comme quoi, l'espoir fait vivre. Rien n'est perdu pour toi. Une étonnante diversité de formes. Certains avaient des yeux. Attends, attends. Quand tu vois le titre de la carte et tout ce qui est marqué, faut pas me dire que c'est pas fait exprès quand même. C'est clair. Attends. D'autres pas. Une tête énorme. Parfois sans tête. Ah, elle est tombée aux oubliettes. Ouais, j'applaudis, bravo. C'était bravo, l'épisode. L'Imulse. C'était le mot de la fin, Trilobite. Le Trilobite, voilà. Le mot de la fin, Trilobite, l'épisode 11, le dernier de l'année. Une bonne fin d'année une bonne et de bonnes vacances à tous. On se retrouve l'année prochaine avec... Avec aucune surprise. Hein, c'est... Ah oui, voilà, pareil en fait. C'est comme si c'était la suite. C'est la suite. De toute manière. Le Père Noël n'existe pas. Oh, le salaud. Mais spoil pas comme ça, j'avais pas vu la... Putain, allez. Bah tu vas couper, c'est pas grave. Au revoir.